couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 1. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. L'adresse actuelle du site est la suivante, dempart.store. S-T-O-R-E, c'est évidemment temporaire, transitoire, puisque le nom de domaine est régulièrement censuré en France par les autorités, et donc vous serez tenu informé du prochain nom de domaine. Si vous souhaitez savoir où le trouver, vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer un email, bien entendu, mais sinon, vous pouvez vous reporter à la page Démocratie Participative sur Gab, le réseau social Gab, GAB.com, où quand un nouveau nom de domaine est adopté par le site, il est publié sur le groupe de discussion d'Empart Gab. Vous pouvez aussi participer au forum Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante eelb.su. Si vous souhaitez, tout ça est évident, mais si vous souhaitez ne pas avoir à jongler avec les noms de domaine, vous pouvez tout simplement adopter le navigateur Brave qui intègre le navigateur Tor. En deux clics, vous pouvez être sur le réseau Tor avec Brave, et il ne vous reste qu'à entrer l'adresse Oignon, notre Oignon, du site d'Empart pour être sur le réseau Tor, y accéder en permanence. Donc là, il est incensurable, donc il est constamment en ligne. Tout ça est expliqué sur le site à droite. Je procède maintenant à la présentation des membres de la semaine pour cette rentrée 2023. Je vais commencer avec Nogaret. Salut Nogaret, bonne année à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que ces fêtes de fin d'année t'ont été profitables. Et c'est parti quoi, hein, pour nouvelle année. Salut Gandalf, oui effectivement tout va bien, de bonnes fêtes de fin d'année et je te souhaite aussi, ainsi qu'à tous nos auditeurs, une très bonne année qui se montre déjà prometteuse sur certains aspects. Tout à fait, est aussi avec nous cette semaine Jean qui fait son retour. Salut Jean, bonne année à toi, la santé comme on dit, la prospérité, vœux de succès pour cette année 2023. Eh bien, je te retourne les vœux. Merci Gandalf. Salut à tous. Et puis, je souhaite à tous les auditeurs aussi des meilleurs vœux et surtout une année la plus catastrophique possible pour ce régime républicain. Alors, j'en profite évidemment pour présenter mes vœux à ceux de nos auditeurs qui nous écoutent cette semaine. Bien sûr, à nos lecteurs, que le meilleur, hein, pour cette année, même si, évidemment, il y aura des difficultés sur le chemin, c'est entendu. Nous allons remercier les donateurs, car sans donateurs, il n'y a pas de démocratie participative, n'est-ce pas ? On est uniquement financé par les dons. Donc on a été absent pendant un moment, durant les fêtes. Donc c'est l'occasion de rattraper le retard en remerciant ceux qui ont souhaité nous envoyer un petit message pour qu'on les remercie en ligne. Alors comme vous le savez, les dons se font en crypto-monnaie, plus spécialement par Monero. Cette crypto-monnaie garantit l'anonymat des dons, que ce soit l'identité de ceux qui procèdent aux transactions, ou que ce soit le montant des volumes transférés. Alors, don numéro 1. Bonjour Gandalf et l'équipe de DP, je vous ai fait un don de 1,2 Monero, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Ces juifs ne l'emporteront pas, vous faites du bon travail, bonne suite. Et c'est signé à Robert, qui se reconnaîtra bien entendu. Merci à toi Robert, bonne année. Don numéro 2, salut à l'état-major participatif, meilleurs vœux nationaux-socialistes à toute l'équipe ainsi qu'aux auditeurs pour une année 2023 plein gaz. Et bien évidemment, toutes mes pensées et vœux de liberté et de justice pour le camarade Rénoir, dont je m'inquiète que nous n'ayons plus de nouvelles. Alors si, hein, il y a une mise à jour régulière sur son site, blog sans concession. Hein. Vous pouvez trouver le lien de toute façon sur le site de Démocratie Participative, mais on a pas plus tard qu'aujourd'hui publié une mise à jour réalisée par Vincent depuis sa cellule écossaise. Je vous invite à la lire. Alors, j'offre bien volontiers ces étrennes à l'état-major, donc un Monero, et en profite pour faire part de ma gratitude pour les différents conseils de lecture de Gandalf. En effet, c'est avec le plus grand intérêt que je me suis envoyé les pavés de Jim McGregor et Jerry Doherty sur la Première Guerre mondiale, donc qui s'intitule Les origines secrètes de la Première Guerre mondiale, plus les deux tomes de Prolonger l'agonie. Oui, alors ça c'est un excellent livre pour comprendre les racines de la Première Guerre mondiale et en fait comment elle a été mise en œuvre par les élites secrètes britanniques et américaines. Hein, voilà. Et évidemment, ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, puisque au fond c'est la même guerre. Hein. Donc on en avait parlé. Et je suis content que notre auditeur ait choisi d'en faire l'acquisition et de les lire. J'ai aussi eu la joie de lire le non moins volumineux livre d'Edwige Thibault, L'ordre SS, éthique et idéologie. Bon, bah ça, c'est un livre incontournable. Il est disponible gratuitement d'ailleurs en PDF, au moins sur archive.org et aussi sur les sites du Grand Monarque. Il y en a plusieurs, donc je n'ai plus tout à fait l'adresse en tête, mais vous pouvez le retrouver facilement en PDF gratuitement. Mais c'est un beau livre de collection, hein, donc vous pouvez aussi en faire l'acquisition. Ceci étant dit, sachez qu'il n'est pas pour toutes les bourses, il coûte un peu cher quand même. Hein. Alors, ce sont des lectures essentielles pour mesurer toute la malfaisance de l'engeance anglo-juive ainsi que la noblesse de la foi nationale-socialiste. Aussi, j'invite tous les auditeurs à s'y intéresser. Je me permets pour ma part de mentionner le livre d'Arthur Kemp, Bâtir le foyer blanc, édité chez Acribeia, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire, mais qui devrait intéresser tous les partisans de la Grande Bourgogne blanche, aussi appelée De Grélistan. Longue vie à DP. En avant, Guingamp et Hitler. C'est signé l'animateur de l'atelier lecture de Treblinka. Alors, oui, j'ai pas lu ce livre. J'ai pas lu ce livre. Et le problème avec ces petites éditions de niche, en fait, c'est l'accessibilité. De ces éditions qui sont soit rapidement épuisées, soit voilà, ou alors elles n'offrent pas de version digitalisée. Pour autant que je sache, hein, je ne veux pas trop m'avancer non plus, mais je ne crois pas qu'à Acribeia ils offrent des versions PDF qu'on peut acheter. Je peux me tromper, hein, donc c'est sous toute réserve. Du coup, il y a des livres qu'on aimerait bien lire, mais pas nécessairement acquérir physiquement parce que soit on n'en a pas les moyens, soit là où on est, on ne peut pas. Et on en est empêché, donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant, mais c'est comme ça. Donc je ne pourrais pas m'exprimer sur ce livre précis-là, mais j'ai souvent eu des échos à ce sujet, donc, enfin, au sujet de cet ouvrage. Donc c'est probablement une bonne lecture. Quelqu'un parmi vous l'a lu ? Le livre d'Arthur Kemp ? Non. Moi, d'Acribea, je connais surtout la série Tabou, qu'ils avaient sorti, qui est une très bonne série, que je conseille aussi aux auditeurs qui ont du temps pour lire, etc. Mais non, je ne ouais, connais ils pas ont un, ils celui-là. ont un catalogue où ils mettent. Mais ils publient vraiment des trucs bien, je sais, parce que je recevais le catalogue à une époque, mais. Bon, après, bon, j'ai pas le temps de m'y intéresser, c'est bien dommage. Si d'ailleurs vous voulez faire connaître des livres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot pour qu'on en fasse la promotion. Si le livre est pertinent, pourquoi pas. Hein. Don numéro 3, cher Gandalf et ami d'épée, vous recevrez un don de 0,11 monero pour cette fin d'année. Si je peux contribuer à vous aider et à énerver ces pharisiens abjects, une pensée pour Vincent Renoir, à bientôt. En 2023, c'est signé Alpineur. Merci Alpineur qui nous soutient effectivement avec régularité. Don numéro 4, bonjour ami démocrate, je vous envoie un premier don modeste de 0,03 monero. Alors, c'est associé à un courriel. Je pense qu'on a des choses à en dire. Je poursuis. Afin de me familiariser avec ce type de paiement, étant encore novice en la matière, je compte par la suite vous faire des dons plus substantiels afin de vous aider dans votre démarche de salut public. Vos émissions sont toujours intéressantes, instructives, drôles et devraient être systématiquement diffusées dans nos écoles et autres lieux publics. Cela, j'en suis sûr, permettrait de freiner, voire de stopper le déclin accéléré de nos sociétés. Je souhaiterais vous faire part de mon expérience de propriétaire bailleur dans notre beau pays, ce qui, j'espère, enrichira le débat sous un angle nouveau. Je me suis lancé dans l'immobilier il y a environ 5 ans, avant de me créer un patrimoine et de pouvoir vivre à terme de mes revenus locatifs. Ce fut, et c'est toujours, une expérience riche d'enseignements. Pour faire court, il s'agit d'une aventure et non d'un long fleuve tranquille, mais ce que je souhaite mettre en relief, c'est l'évolution des demandes locatives qui reflète évidemment l'état réel de notre belle société française. Je précise que les logements que je propose se trouvent en Vendée et de Sèvres, dans de petites communes et villages, en apparence bien de chez nous. En effet, quel bonheur de voir encore passer devant chez soi, en Vendée, des groupes scolarisés constitués à 95% de blancs. Spectacle totalement impossible dans mon ancienne ville, à Lyon, totalement colonisée depuis longtemps, à la plus grande joie des bobos, écolos, gauchos qui se pourlèchent du spectacle. Mais revenons à nos moutons. Au début de mon expérience, il me paraissait naturel, évident, coulant de source, que mes locataires seraient de bons Français, au patronyme Florent Bon, le terroir vendéen. Cette candide naïveté fut de courte durée. En effet, bien vite, je vis fleurir, via la plateforme de gestion qui centralise les demandes, des noms issus de ce que certains nomment encore avec hypocrisie, la diversité. Toujours la même diversité qui vous agresse dans tous les sens du terme, y compris par leur patronyme. Mohamed, Abdallah, etc. Au début, il était assez facile de faire le tri sélectif, d'autant que mes voisins n'étaient pas très chauds non plus à l'idée de se faire voler leurs moutons ou de supporter les odeurs de méchouis à répétition. J'ai donc modestement protégé nos paisibles bourgades du déferlement massif. Mais le temps ne jouait pas en ma faveur, car le problème s'amplifie inexorablement à chaque changement de locataire. Et que dire des couples mixtes, plus nombreux aussi à chaque fois, et obéissant toujours à la même règle stricte, une femme jeune, avec un nom bien français, en couple avec un homme portant un nom aux effluves épicées, caractéristiques de la savane africaine. Constat sans appel, nul village gaulois n'est épargné, et nos accueillantes filles de France font tout ce qu'elles peuvent pour accélérer la marée noire. Nous avons donc d'un côté des propriétaires bailleurs qui sont avant tout des investisseurs en quête de rentabilité et de l'autre, un marché immobilier dont la part des halogènes chez les locataires ne fait qu'augmenter. Dans ce contexte, comment conserver une déontologie de préférence nationale? L'évolution est claire, car aujourd'hui, ce problème concerne environ 70% de mes demandes locatives, contre 40% il y a 5 ans. Il arrive à un moment où il va atteindre les 90% de demandes composées d'halogènes, dans des petits villages hein, de Vendée et de Sèvres, hein, donc ça donne quand même une idée. Hein. Si l'on ajoute au tableau noir que la Macronie fait de son mieux pour saigner à blanc ces salauds de propriétaires blancs aussi, au travers de la fiscalité toujours plus lourde, il arrive un moment où l'on doit se poser la question de savoir où on va. Pour ma part, ayant, je pense, une colonne vertébrale et des valeurs, j'ai décidé de mettre fin à l'aventure avant le point de non-retour et un effondrement de ce qu'il reste de notre belle République, entre guillemets. Je suis donc en train de vendre les 5 biens immobiliers dont je dispose avant de quitter le pays. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les seuls survivants du Titanic sont ceux qui ont embarqué les premiers sur les canots de sauvetage. Les autres ont connu un triste sort, même si, paraît-il, l'orchestre a joué jusqu'à la fin. J'imagine que TF1 et BFM TV, joueront aussi leur propagande jusqu'à la fin. Souhaitant terminer sur une note positive, je veux porter une mention spéciale à la belle ville des Sables d'Olonne, qui, étrangement, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le maire doit payer de sacrées amendes pour ne pas bétonner la ville de logements sociaux. Bonne année à toute l'équipe, et une pensée particulière pour Vincent, à qui je souhaite une libération rapide et son retour sur DP. Affectueusement, et c'est signé Messerschmitt. Alors merci Messerschmitt pour ce courriel, ce don. Alors vérification sera faite. Hein. Et pour le témoignage de premièrement d'un propriétaire bailleur qui fait face au dilemme du panorama ethnique, n'est-ce pas, du marché locatif. C'est épineux, c'est compliqué. Alors évidemment, quand on n'a pas d'âme et qu'on vendrait sa mère pour une poignée de dollars, on s'en fout en fait, hein, bien sûr. Mais quand on a des scrupules, une éthique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qui voudrait... Donc il y a deux choses, hein. Il y a l'expérience, voilà, il y a le propriétaire, d'une part, le caractère éthique de la démarche, donc l'abandon ensuite, et l'idée de partir de France. Hein. Notre camarade ne nous dit pas vers quelle latitude il veut aller. Enfin, vous avez en gros clé en main là à peu près l'explication. Alors qui voudrait commencer sur ce témoignage? Je commencerai sur le point justement immobilier. La question immobilière, bah, comme le dit donc notre auditeur, c'est souvent envisagé voilà, pour pouvoir mettre, enfin, faire valoriser son argent, etc. Mais comme il le dit très bien, ça peut amener divers problèmes, parce que quand bien même, par exemple, il déciderait de louer à n'importe qui, je pense que on a souvent en tête le problème auquel les gens font face de dégradation des logements, de non-paiement des loyers, etc. De manière générale, en plus, l'auditeur l'a très bien dit, la fiscalité est quand même assez prohibitive à ce niveau-là. Je pense que de manière générale, c'est effectivement se mettre un peu une balle dans le pied que de partir vers l'immobilier pour espérer mettre son argent de côté, le faire fructifier un peu, etc. Donc ça, très clairement, en plus... Bon, je comprends que les gens veuillent s'attacher à un endroit, mais ça peut être aussi problématique en cas justement de gros problèmes pour pouvoir s'adapter à une situation un peu plus critique. Oui, alors là, les propriétaires commencent à sentir le sang dans l'eau et il y en a qui se rendent compte que c'est peut-être le moment de partir, à l'image de notre auditeur qui nous fait ce gentil message, parce que effectivement l'État a une politique de remplacement de population pour faire venir un maximum d'Arabes et de Nègres. Bon, j'ai envie de dire, les Arabes, c'est vrai qu'ils ont tendance à saccager, mais c'est à la limite un moindre mal, parce que les Nègres, c'est encore pire. C'est vraiment le pire du pire, récupérer son logement après avoir loué à des Nègres. J'en connais plusieurs qui ont eu des petits soucis avec ça. Et en fait, à mon avis, c'est une très mauvaise idée en France, aujourd'hui, mais depuis une dizaine d'années, en fait, de se lancer dans l'investissement locatif. C'est même du délire, parce que, de fait, en France, il y a un certain nombre de lois totalement communistes qui permettent de doter à des propriétaires tout droit sur leur logement. Donc, il y a des histoires de squatteurs, de gens qui s'installent de longue durée, qu'il est très difficile de virer. Et puis il paye aucun loyer, donc le propriétaire se retrouve à devoir rembourser un prêt sur un bien dont il ne dispose d'aucun revenu. Et puis ça peut durer des années. D'ailleurs, ça me fait penser, Vincent Lapierre a interviewé récemment une sorte de sans domicile fixe, mais en fait c'est un faux sans domicile fixe. Il faisait la manche dans la rue et il expliquait tranquillement face caméra que il vit avec quelqu'un qui a récupéré un logement en payant les factures pendant 10 ans et en se retrouvant de fait en droit français propriétaire du logement sans avoir donc acheté la propriété. Ce qui est absolument incroyable quand on y pense que quelqu'un puisse se retrouver propriétaire après 10 ans de payer des factures d'électricité et d'eau, ça suffit pour les pouvoirs publics pour déterminer qu'on est le propriétaire du bien. Et puis bon, bah effectivement, à partir du moment où on peut plus discriminer en droit français, c'est interdit de choisir selon des critères personnels qui seront nos locataires, avec qui on a envie de faire affaire en fait, et ben c'est complètement fou de se lancer dans un investissement locatif, puisque on choisit pas qui va être, enfin on choisit inofficiellement en fait, on peut se retrouver avec des gens qui portent plainte pour discrimination ou des choses comme ça, donc en effet moi je pense que c'est le moment de sortir de l'immobilier et même ça fait un moment qu'il fallait pas y entrer. Ou alors, la seule possibilité, c'est aussi de passer par un réseau de nos milieux pour louer, vendre, acheter, etc. Mais là, c'est un petit peu plus limité et compliqué à mettre en place. Et si l'État met son nez là-dedans, il n'hésitera pas à taper. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, du malheur de vivre dans un État communiste, hein. C'est tout le problème. C'est-à-dire que l'État français, la République française est vraiment un État socialo-communiste. Il a été construit par les communistes, je rappelle, en 1945-46, après le putsch des gaulo-communistes. Le Parti communiste a mis la main, en gros, sur la société française. Donc, ils ont lourdement influencé la législation. Ils ont foutu en l'air le pas de vis et on peut pas revenir en arrière, en substance, quoi. Donc il y a une culture communiste qui s'est établie, qui s'est sédimentée, génération après génération, avec ses a priori, ses biais, ses présupposés, etc. Et du coup, bah, le propriétaire, déjà, il est considéré comme un exploiteur, hein. Il faut bien comprendre ça, hein. C'est un exploiteur qui a le privilège d'avoir un bien immobilier, et donc il exploite plus ou moins les personnes à qui il loue, quoi. C'est ça en fait le cadre culturel dans lequel se trouve le propriétaire de base. Et comme vous l'avez bien dit, bon, il y a toute une série de législations qui rognent le droit de propriété élémentaire, donc ce qui fait que tu as des gars, pour peu qu'ils s'y prennent à la bonne date, qui peuvent squatter. J'ai un exemple tout à fait récent en tête. C'est pas vieux, hein, ça a même pas une dizaine de jours, et ça se passait à Nantes. Et alors, vous avez des... Alors, ce sont des militants anarcho-communistes, hein, qui sont spécialisés là-dedans. Ils s'organisent en association de droit au logement. Alors, il y a une association d'ailleurs qui s'appelle comme ça, le droit au logement, mais il y en a toute une kyrielle. Et en fait, ce sont des squatteurs professionnels. D'accord ? Donc, ils connaissent la législation peut-être mieux même que les propriétaires. Ils ont des avocats d'extrême gauche pour immédiatement défendre leur dossier en justice, en urgence. Ils maîtrisent ça parfaitement, hein. Et alors, dans le cas d'espèce à Nantes, ils ont installé des Congolais chez des retraités. Mais des retraités qui avaient, je crois, c'était 86 et 89 ans. Donc, c'est des gens qui étaient dans le grand âge, quoi. C'est des personnes fragiles, quoi. Et alors, pour une raison que j'ignore, ils n'étaient pas à leur domicile. Peut-être étaient-ils pris en charge dans une structure spécialisée, mais enfin, ils restaient quand même les propriétaires de cette maison. D'accord ? C'était pas une propriété à eux, hein, c'était leur résidence principale, mais probablement ils étaient déjà en institution. Enfin, les enfants ont découvert atterrés la situation. Et alors, faut voir la gueule du meneur anarcho-communiste. Il a une énorme barbe à poux. Une énorme barbe à poux, en sandales comme un craspec, Il n'a pas 25 ans. Hein. C'est un type, il est tranquillement dans sa cinquantaine. Hein. Mais vraiment sale, vous voyez, sale sur sa personne, sale. Et alors le mec explique, non, mais c'est bon, on a placé les personnes à telle date, on ne peut pas les expulser, le truc est entendu, machin. Vous, évidemment, les personnes en question qui sont victimes de ça, elles ne sont pas organisées, parce que, comment dirais-je, les autres, ils chassent en meute, mais ils visent les proies les plus fragiles. Et donc, une fois qu'ils vous foutent des Congolais, il y avait des Congolais, il y avait encore d'autres nationalités et ethnies là-dedans, et voilà, ils disent bon, on est chez nous, etc. En sachant qu'en plus, la mairie de Nantes, donc de Johanna Roland, la socialiste, leur avait mis à disposition, je crois, à titre gracieux, un espace, enfin, un bien, je crois, d'au moins 100 mètres carrés, c'est-à-dire pour justement loger, etc. Mais ça ne suffit pas, ils vont quand même s'en prendre à des particuliers. Alors là, c'est des particuliers, la résidence principale. Mais imaginez quand ça vous arrive, tout simplement parce que vous êtes propriétaire, éventuellement, de plusieurs résidences. Quoi. Voilà. Alors, une fois qu'ils sont là, vous n'en finissez plus. Parce que, à cause des délais, vous ne pouvez pas les expulser pendant l'hiver. Il y en a, et en fait, quand vous faites tous vos recours, ça peut durer parfois plus de 2 ans. Et évidemment, vous ne percevez rien là-dessus. Et la législation est faite pour ces parasites. Et là, ils sont carrément. Alors, les nègres, si vous voulez, ils sont là, mais eux, on leur dit simplement, tu vas là, donc ils y vont, d'accord ? C'est pas les nègres qui repèrent les biens, etc. Ils sont vraiment aiguillés par les groupes d'extrême-gauche dans les différentes villes. Hein. Et ça, on a vu ça se répéter à plusieurs reprises, c'est professionnel de ça. J'ai vu dans une ville française, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était Avignon, mais j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'était tout à fait parlant. C'est-à-dire qu'ils ont créé des autocollants pour dire qu'on peut squatter là. La maison est vide. Donc, ils repèrent les biens, ils foutent les autocollants sur les baraques et ils incitent en fait les clandestins, les migrants clandestins, les SDF, les crasseux de toutes les couleurs, les camés, etc., à venir s'établir là-dedans. Et encore une fois, vous avez très peu de temps pour les faire déloger par la force publique. Et comme les gens très souvent... C'est 48 heures, non ? Oui, il y a très peu de temps. Évidemment, sauf si vous avez des copains, vous arrivez là-dedans avec une bande d'amis, vous les délogez manu militari. En fait, c'est ça qu'il faut faire, hein, en gros. Bon, voilà. Oui, ou si vous êtes frère trois points de la bonne loge qui connaît le commissaire. Ah, mais ça n'arrive jamais. Oui, mais ça n'arrive jamais. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais ça, voilà. Mais il faut quand même savoir comment ils pratiquent. Alors ça, c'est les. Alors dans un environnement comme ça, évidemment, là, c'est plutôt dans les grandes villes. Mais quand vous êtes propriétaire et que vous avez une résidence que vous cherchez à louer, mais qui est vide. Et vous avez du mourant à vous faire parce que vous pouvez vraiment vous retrouver avec une tribu du Rwanda, une tribu d'Algérie qui squatte votre baraque et ils auront les médias pour eux parce que la couverture médiatique, elle est pour eux. Parce qu'il faut savoir que les rédactions régionales sont lourdement colonisées par des types fraîchement émoulus des écoles de journalisme qui ne sont ni plus ni moins que des centres de formation idéologique d'extrême gauche. Faut le voir, hein. Je veux dire, Lille et compagnie, et tout, ça vous produit du militant woke anarcho-communiste à la chaîne. Et ils sont ensuite pris comme pigistes ici ou là dans les différentes rédactions. Et dès qu'il y a une affaire comme ça qui surgit, immédiatement, ils prennent fait et cause. Et là, c'était caricatural à Nantes, puisque au moment où les nègres étaient en train de rentrer dans la maison, illégalement, le journaliste était sur place pour prendre les photos. Donc ça veut dire que l'organisation d'extrême gauche a appelé les journalistes pour venir faire les photos. C'est vous dire la connivence, hein. Voilà. Alors bon, quand vous êtes dans un environnement comme ça, être propriétaire, c'est pas très tentant. Alors le truc qui est intéressant avec ce que nous dit notre auditeur, c'est que là, il est dans un environnement rural. Parce qu'on pourrait nous dire, oui, mais bon, d'accord, mais ça, c'est les grandes villes, forcément, avec la faune qui s'y trouve, bon, mais quand même, dans les petits villages des Deux-Sèvres, c'est quand même plus calme. Alors là, il nous dit, mais là, j'ai un problème, c'est que 70% de mes demandes locatives sont, en gros, des putains nègres avec leurs babouins, quoi. En substance, c'est ça. Et bon, alors je dis non, mais au bout d'un moment, bon, je peux dire non, j'étais à 40%, je suis à 70%, donc grosso modo, en 5 ans, je serai à 85 ou 90%. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, j'arriverai plus à louer mon bien à autre chose qu'à ça. Oh, le gars, il dit bon, voilà, j'abandonne quoi, hein, je laisse tomber. Merci, au revoir quoi. Et c'est pas étonnant parce que en fait, les blancs, ils veulent accéder à la propriété très souvent, même encore maintenant. Donc ils peuvent louer, mais leur but est quand même de devenir propriétaire. C'est un réflexe naturel. Mais toutes ces populations là, qui viennent de leur bled pourri. c'est très dur pour eux d'accéder à la propriété parce qu'il faut le revenu, il faut pouvoir faire un emprunt, il faut pouvoir le rembourser. Bon, c'est pas évident. Donc ces gars-là, évidemment, ils sont très souvent dans le locatif. Et en plus, on les envoie là, mais pourquoi ? Bah, on ne sait pas trop. Je veux dire, c'est l'État central qui dispatche beaucoup. Hein. Vous avez vu comment ils délestent à Paris ? Ça ventile énormément de métèques. Et on les envoie. Et en fait, eux, ils s'en foutent parce qu'à partir du moment où il y a un guichet social quelque part, ils restent. C'est ça le truc. C'est qu'évidemment, eux, s'il y avait qu'eux, ils resteraient dans les grandes villes. Mais ils sont tributaires du guichet social. Donc si on leur dit, bah voilà, il faut aller dans les Deux-Sèvres, vous serez pris en charge par la CAF, le truc. Mamadou, il y va. Hein. Ils s'en foutent. En fait, c'est une politique consciente qui a été faite sous Hollande avec, avec Valls, là. Quand ils ont démantelé la dite jungle. De Calais, ouais. En fait, ils ont lancé une grande politique nationale de répartition des nègres sur tout le territoire français. Et donc là, c'est les pleins effets. Mais je pense que vraiment, sous Hollande, il y a eu une bascule qui a été faite à ce niveau-là. Ils ont vraiment décidé de repeupler le territoire avec des nègres. Et ils sont passés à la vitesse supérieure et là on en sent les pleins effets. Hein. Quand on va dans des coins perdus de France rurale, effectivement, on tombe sur des négros hagards. C'est assez impressionnant. Bah, ça c'est le problème de la France centralisée, si chère à la totalité de la droite française, qui est complètement subsumée par le jacobinisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce d'opposition de corps intermédiaires régionaux. C'est-à-dire que on a l'État bonapartiste, donc il est centralisé, pyramidal, Paris décide, personne ne peut rien dire. Voilà, vous n'avez pas de recours, vous n'avez pas de rien. On vous les met dans les dents et vous les avalez. Et c'est ce qui se passe, je veux dire. Voilà, les périphéries françaises n'ont aucun moyen de refuser la ventilation des halogènes par l'État central parisien. Aucun moyen, aucun recours. De toute façon, l'État central républicain sait très bien comment les gérer. Elle leur enverrait des colonnes infernales. Elles reviennent sous forme de nègres. Mais c'est ça, c'est les nouvelles colonnes infernales, quoi. Hein. Voilà, les égorgeurs d'Allah arrivent en force, quoi. Je veux dire. Non, mais la République va jusqu'au bout de son principe. Hein. Ils vont aller jusqu'au bout, hein, je veux dire. À mon avis, plus la crise va s'aggraver pour le régime républicain, plus elle va revenir à ses origines fondatrices. Ça me paraît à peu près évident. Et ils vont basculer dans le terrorisme aveugle. Quoi. À la fin, ça sera vraiment le terrorisme aveugle. Moi, je suis tout à fait frappé par ça, parce que j'ai quand même un peu de recul là-dessus, avec ça, c'est le bénéfice de l'âge. comment dirais-je, quand j'étais plus jeune militant, on a senti le durcissement républicain avec tous les slogans, la phraséologie, etc., surgir après 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Il y a vraiment une césure très nette. C'est-à-dire que quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors que bon, il a été complètement laminé par ailleurs par Chirac, il y a quand même une peur à l'intérieur du régime de voir le système républicain s'écrouler. Il y a vraiment eu cette peur-là, quoi. Et là, tout d'un coup, on a vu le martèlement de tous ces slogans. Enfin, c'était même, c'est complètement décalé en fait par rapport à la réalité du pays. Mais il y avait un retour aux origines révolutionnaires et jacobines et terroristes. Et alors maintenant, là, vous avez qu'à remarquer, la laïcité, c'est à toutes les sauces. La République, les valeurs de la République. On voit bien que ce régime a peur. Il sait que ses bases sont fragiles. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes sur la légitimité du régime si vous êtes certain de votre force. Or, vous n'avez qu'à aller voir glapir en permanence pour relégitimer ce régime, hein, voilà, la laïcité, les valeurs, ils mettent le mot citoyen à toutes les sauces, hein, tout est citoyen, hein, c'est citoyen, citoyen, citoyen, et ça, c'est un régime qui est en train de se casser la gueule. Et donc ils ont peur parce qu'ils se disent, mais ça va casser par où d'où où va venir la rupture. Ils ne sont pas exactement sûrs de savoir par où ça viendra. Et je pense que l'intérêt qu'ils voient avec l'immigration de masse, en fait, c'est le rouleau compresseur jacobin qui veut prévenir toute insurrection en réalisant l'égalité par la génétique, tout simplement. Voilà. Ça, et le diviser pour mieux régner, peut-être aussi, puisque oui. Quand tu mets des communautés bigarrées, on va dire, dans tous les sens, il n'y a plus du tout de solidarité, même entre blancs, ça se voit très bien. Ah oui, de toute façon, c'est une politique consciente de division, tout à fait. Donc voilà, donc... Ouais, bon. Puis... Il y a un autre phénomène dans les campagnes sur le bigarrement, c'est que les paysans blancs français ont du mal à trouver des femmes. Donc il y en a beaucoup qui se rabattent aussi sur des négresses qui trouvent un blanc et un moyen d'avoir des papiers assez facilement parce qu'ils se retrouvent à 45, 50 ans sans femmes. Et ça, c'est aussi une vraie catastrophe pour la génétique des campagnes françaises. Ah ouais, là, c'est Haïti, quoi. Je veux dire, racialement, de toute façon, c'est catastrophique. Hein. Ce que fait l'État français, le régime républicain, c'est catastrophique. Ça se paiera, hein, je veux dire, attention, c'est pas gratuit. Hein. L'expérimentation à laquelle il se livre tournera très mal. Hein. Bon, ça, c'est inévitable. Enfin bon, voilà. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, être propriétaire, c'est sûr, c'est pas une sinécure. Hein. Voilà, donc... notre auditeur arrête l'expérience, nous dit-il, et il quitte la France. Hein, il en a marre. Il en a marre du bolchevisme. C'est fini. Il n'en veut plus. Pourquoi pas. Hein, c'est son choix, c'est sa liberté. Mais je lui souhaite de trouver des acheteurs avant l'effondrement du marché immobilier. Ouais, mais il sera pas perdant de toute façon en vendant. Hein, je veux dire, même s'il vend pas au plus haut, je veux dire, voilà quoi. Qu'il essaye de vendre un drap blanc, ce sera déjà pas mal. Enfin, en tout cas, merci à lui et puis bon courage, bien sûr. Alors, don numéro 6. Bonjour, venant de décrocher mon premier emploi, je vous fais mon presque premier don de 1 monero. Il faut que je compense d'une manière ou d'une autre le mal que je fais en cotisant à l'État juif. Joyeux Noël, ça c'était à l'époque, on a un peu de retard. À vous et à l'équipe de DP, c'était signé Blickpal. Merci Blickpal. Ça, c'était un petit message de Super Léon qui nous a soutenus. Joyeux Noël et donc bonne année aussi à toute l'équipe et une pensée particulière pour Vincent, véritable prisonnier politique entre deux tripotages de Donatello Mbappé par Macron, l'enculé suprême, et deux, trois émeutes kurdo-bougnoulesques d'extrême droite selon Darmanin, la raclure ultime. Sans oublier une petite élection de Miss France marron, je vous fais parvenir un don de 3. Alors il dit 3 euros mais je pense que c'est 3 monero, je sais pas, mais je pense que c'est 3 monero. Qu'il vous soutienne dans votre tâche ardue à éveiller la conscience raciale de la partie encore saine de ce peuple abruti, nous dit Super Léon. Bon courage à tous, salut à la victoire. Merci Super Léon pour ton soutien régulier depuis maintenant un bon moment. Comment dirais-je, ça c'est voilà pour les dons. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient pas de messages, mais grâce à vous l'action continue. Alors ça, c'est courrier des lecteurs. Donc, un petit mot qu'on a, forcément, à la faveur des fêtes de fin d'année, on a reçu des encouragements, bien sûr. Alors, salut camarade, c'était adressé à Gandalf. Hein. Un joyeux Noël à toi, une bonne année aussi. Tu le sais déjà, mais le boulot que tu abats depuis des années, la ligne de DP, porte vraiment de plus en plus. Et je ne vais pas te faire un roman, mais sache par ailleurs qu'au moment du vaccin, entre trois parenthèses, c'est grâce à ton travail que j'ai réussi à convaincre mon père de ne pas se faire injecter, en le renvoyant vers tes publications, qui par ailleurs le font beaucoup rire en tant qu'ancien lecteur de Harakiri. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Cela ne rendra pas ton quotidien plus agréable, mais tu as probablement sauvé beaucoup de vies. Prends bien soin de toi en cette fin d'année. Encore merci pour tout, bon courage et signé T. Alors oui, c'est une action collective, parce qu'après il y avait les émissions aussi, on passait en revue de manière critique ce qui était formulé durant le covidisme fou, qui a quand même duré plus de 2 ans, où on incitait, enfin l'État incitait les gens à se faire vacciner. Alors, j'ai des échos indirects, parce que c'est difficile de tout suivre, mais on voit bien que la mortalité augmente de manière tout à fait anormale dans les pays vaccinés. Je voyais là récemment, c'est les chiffres du Royaume-Uni, que l'année passée, la mortalité... est anormalement élevé de plusieurs dizaines de milliers de cas. Alors, bon, c'est évidemment le problème ici, c'est de déterminer avec certitude la mort, enfin les causes de cette surmortalité, parce qu'ils peuvent toujours dire oui, mais c'est un AVC, c'est une crise cardiaque, c'est un cancer. C'est... Bon, mais quelles sont les raisons sous-jacentes de ces cancers ou de ces AVC? Évidemment, il n'y aura jamais d'enquête, puisque. Bon, bah, en fait, tout simplement, les pouvoirs publics, que ce soit au Royaume-Uni, en France et ailleurs, n'ont absolument pas envie de trouver les véritables causes. Hein. Il y aurait de quoi. Mais bon, j'ai vu aussi que dans le sud de la France, je crois que c'est dans la région de Marseille, si ce n'est pas Marseille, c'est dans la région, c'est dans la zone, que des gens ont déposé plainte, enfin, plusieurs personnes, je crois qu'il y a quelques centaines de personnes ont déposé plainte pour les effets secondaires. Effets secondaires, donc, au début, rappelez-vous, on nous disait ça n'existait pas, il n'y avait pas d'effets secondaires. Hein. C'était une vue de l'esprit. Hein. Bon. Maintenant, on sait qu'ils existent et on sait qu'il y en a des graves et on sait que ça a tué et que ça a continué de tuer et que ça va continuer de tuer. Ça, c'est sûr. Donc, maintenant, ce qu'on n'a pas dit ici, on n'a pas dit qu'il y aurait des millions de personnes qui mourraient d'un coup de la vaccination. Mais le problème, c'est qu'on nage en territoire inconnu. Parce que si vous reportez à ce qui s'est passé dans des cas similaires avec des vaccins par le passé, vous découvrez que ça met des années à produire ces pleins effets. Donc vous avez des gens qui prennent le vaccin aujourd'hui, mais qui vont couver en fait des effets secondaires dont la manifestation des symptômes pourra surgir dans 5 ans ou dans 10 ans. On ne sait pas. C'est tout le problème. Il y en a ceux qui les ont tout de suite, au moment de la vaccination ou dans la foulée. Il y a ceux qui manifestent au bout de 6 mois, et puis il y en a qui auront des symptômes 5 ans après. On ne sait pas. C'est le problème avec quelque chose d'expérimental. Bon, pour moi, ça me paraissait complètement fou de s'injecter quelque chose d'expérimental. C'était complètement dingue. Je ne sais même pas qui a pu céder à ça, quoi. Je veux dire, c'est un simple réflexe de survie, quoi. Et bon, progressivement, on voit que c'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu qu'avec Elon Musk, qui a publié toute une série de données internes à Twitter, on a vu, on le savait, mais maintenant c'est incontestable, parce qu'avant on savait qu'il y avait de la censure et on savait que c'était motivé, on pouvait toujours se poser la question, mais qui donne les ordres? Ah, bon, bah, avec la publication des informations de Musk, on a vu que c'était le gouvernement américain, que c'est la Maison Blanche personnellement, qui disait, voilà, cette personne sur Twitter qui était influente, ça pouvait être un docteur, ça pouvait être même quelqu'un de critique de toute façon, vous supprimez son compte. Hein. Et comme il y a eu comme ça, je ne sais combien de personnes qui ont été censurées sur Twitter, donc qui essaient d'alerter, qui ont été réduites au silence pour faciliter les injections, les campagnes d'injection pendant 2 ans. Maintenant, on le sait, et évidemment, c'est de la corruption à tous les étages, parce que la Maison Blanche était en lien avec Fauci, avec Bill Gates, avec Pfizer, avec Bourla. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Ces gars-là, ils ont touché. Ils ont touché des sommes inavouables pour se livrer à ce travail de facilitation. Bon, voilà, bon, c'est, voilà, on le sait, maintenant c'est sur la place publique. Bon, à l'époque, quand on s'insurgeait contre ça, on passait pour des illuminés, des fous. Alors qu'il y ait certains qui aient déliré, c'est sûr, je veux dire, il y a toujours... je veux dire, de toute façon, quand ça va dans une extrémité, il y a toujours des gens dans le sens inverse qui vont aussi très très loin. Donc il y a sûrement des gens qui ont imaginé des scénarios catastrophes complètement délirants. Enfin, là, c'est déjà assez catastrophique. Quoi. Donc bon, si par notre action modeste, mais enfin avec d'autres, je veux dire, parce que nous, on reprenait souvent des informations de sources qui nous paraissaient intéressantes, je veux dire, on a pu éviter que des gens qui effectivement sont fragiles se vaccinent, avec ce truc-là de Bourla et compagnie, et ne meurt ou ne développe des effets secondaires graves, eh ben tant mieux. Et même s'il y en a qu'un ou deux, eh ben tant mieux. C'est au moins ces personnes-là qui s'en sont sorties, quoi. Hein. Je veux dire, qui ont évité des problèmes. On ne saura jamais, c'est inquantifiable hein, par définition, donc on ne sait pas. Mais je suis content que certaines personnes aient été convaincues et n'aient pas fait cette erreur. Et je pense que plus le temps va passer, plus on va voir les effets secondaires. Et plus ça va pas être reluisant, en sachant par ailleurs que ça n'est pas terminé. Parce que si vous suivez l'évolution du virus, vous découvrez qu'il est, comme c'était prévu, il devient résistant, que les variants, plus ils se développent, plus ils deviennent virulents, et que les vaccinés deviennent des cibles de choix pour ces nouveaux variants, ce qu'on avait annoncé ici à l'origine. Hein, voilà, et ce qu'avait dit en fait Geert van der Bosch, là, le professeur belge. Donc voilà, donc on y est. Bon, je pense qu'ils ne vont pas faire beaucoup de publicité autour de ça. Donc il y a une espèce de mortalité silencieuse, et voilà. Enfin bon, tant mieux si certains ont pu éviter l'empoisonnement. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, ou sur le, de manière générale, le covidisme, là? Parce qu'ils ont... Ils mettent ça sous le tapis, là, quand même. Hein. Ils sont pas très volubiles, en ce moment, hein, sur le... Sur tout ça. Hein. Moi, je rajouterais simplement quelque chose à tout ce que tu as dit, qui va dans ton sens, bien entendu. C'est, on a vu aussi que sur Twitter, il y avait eu l'existence de faux comptes de médecins dont les patients mouraient du Covid, etc., qui poussaient à la vaccination aussi. C'est-à-dire qu'il y avait ce double mouvement, la censure d'un côté et la fausse information de l'autre. Je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Maintenant, voilà, tu l'as très bien dit. On a des chiffres de la mortalité qui sont très hauts. Alors tout ça, oui, c'est inquantifiable, mais je pense que c'est comme comment dire, l'action néfaste des juifs sur nous, c'est inquantifiable, mais ça tend vers l'infini. Oui, c'est ça. Au sujet des vaccins, il y a une information qui est sortie assez récemment, c'est que visiblement, et d'ailleurs c'est corroboré avec les données qu'on a depuis à peu près le début des campagnes de vaccination, il y a des lots qui sont particulièrement viciés et qui entraînent des cas des effets secondaires graves, la mort, et d'autres qui n'entraînent rien du tout. Et donc, c'était une roulette russe. Total, cette histoire d'injection, c'est-à-dire que les gens qui sont tombés sur les mauvais lots, eh ben, ils se tiraient une balle dans la tête, et ceux qui tombaient sur les bons lots, ils vont rien avoir et ils auront rien. Donc, a priori, hein, évidemment, on ne sait pas. Et ils disent aussi dans les données, l'analyse des données, c'est que il y a des degrés de toxicité. Donc, il y a des lots, comme je dis, c'est des solutions salines sans aucune toxicité, donc aucun problème. Et puis, il y a des lots un petit peu plus toxiques avec quelques problèmes et tous les degrés jusqu'à des lots où il y a des gens qui meurent directement 15 minutes après s'être fait injecter, en fait. Donc c'était vraiment une expérience incroyable à laquelle on a assisté, et le nombre de personnes qui ont cédé au chantage est absolument effrayant, en fait. Finalement, les gens sont très très dépendants du système, que ce soit mentalement, professionnellement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cédé pour des pressions professionnelles. Financièrement, j'en connais qui ont un prêt sur la tête, donc s'ils perdaient des revenus ne serait-ce que 2 ou 3 mois, ils se retrouvaient quasiment à la rue. Enfin bon, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très précaires, et cette histoire de vaccination les a forcés à faire quelque chose contre leur gré. Il y en a qui l'ont aussi fait de leur plein gré, mais c'était une expérience humaine grandeur nature, effrayante, orwellienne. Mais effectivement, comme tu dis, Gandalf, je pense qu'on n'a rien vu. Je pense qu'on aura une vue complète et des analyses très intéressantes dans les 10 à 20 prochaines années. Seulement. On n'en saura pas plus avant. Bah, c'est ça, ouais. Mais il y a eu des alertes importantes. Je veux dire, quand il y a le professeur Montagnier qui a quand même... Bon, prix Nobel quand même. Il a été très juste tout de suite, rappelez-vous, il a dit tout de suite, ce virus a été produit en laboratoire. On a trouvé des éléments, éléments du sida dans sa structure. Et il a été violemment attaqué par les juifs à ce moment-là. On a vraiment exigé qu'il cesse de s'exprimer sur les radios. Et en fait, on a su qu'effectivement, c'était le fruit de manipulation en laboratoire. On se servait du virus du sida modifié dans le cadre de ces manipulations, et du coup ça prouvait que c'était pas un virus d'origine naturelle, et donc ça amenait à la question, mais d'accord, mais qui l'a manipulé à ce moment-là et pourquoi? Et ensuite on a eu bien évidemment Barrick, etc. Donc ça, c'était les il y avait l'anglais aussi, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui travaille à Wuhan dans le cadre évident de programmes à caractère militaire, tout en informant qu'on avait aidé par Bill Gates, Et dans le cas, et Barry, qui étant un scientifique lié à l'armée américaine, bon, on a bien compris qu'il y avait là, il y avait une manipulation, quoi. Voilà. Mais là, on commence à s'en dire. Rappelez-vous, la campagne, non, de quoi il parle, c'est absolument faux. Ce virus ne peut pas du tout être d'origine humaine. C'est voilà. Bon. Donc, il y a eu un énorme travail de désinformation active de la part des médias. Et il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. C'est-à-dire que ni l'AFP, ni Le Monde, ni personne n'a fait son mea culpa public. Ils sont toujours en train de fact-checker les autres alors qu'ils ont menti devant tout le monde, quoi. Et pour pousser à la vaccination de masse. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont continuer à être dissimulées, mais tu as raison. Il faut attendre 10 ans, 20 ans, parce que c'est des expériences en temps réel. Donc... avant qu'on sache ce qui se passe, enfin, Montagné avait quand même annoncé des trucs assez sinistres. Il a dit, voilà, Creutzfeldt Jakob, ça risque de se multiplier, etc. Quoi, hein, je veux dire, pour ne parler que de ça. Hein. Voilà. Combien de gens sont morts et dont on ne saura jamais, je veux dire, hein, les AVC, etc. Enfin, je veux dire, bon, AVC, on vous dit, bah voilà, c'est un AVC. Bon, mais évidemment, on sait qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc, mais il n'y aura jamais d'enquête et tout ça, c'est classé sans suite. Mais rien que ça, déjà. Enfin, rien qu'avec les morts qu'il y a eu là en France, il y en a d'avoir quand même un beau nombre déjà, sans parler de centaines de milliers, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de victimes. Il y aurait déjà de quoi entraîner des poursuites judiciaires. Mais bon, ça n'arrivera pas, bien entendu, en tout cas pas sous ce régime. Là, il y a une enquête qui vient d'être ouverte aux États-Unis par la CDC qui s'occupe de valider et d'accepter les médicaments, les vaccins et ainsi de suite, parce que Pfizer n'a pas soumis à cet organe de réglementation les données visant à prouver que les vaccins anti-Covid-19 ne posent pas de problème cardiaque. Donc Pfizer a simplement gardé le silence alors qu'ils avaient une date butoir, il me semble, de novembre ou décembre 2022 pour soumettre les données. Ils ne l'ont pas fait. Et donc là, la CDC benoîtement vient d'ouvrir une enquête enfin, mais bon, on sait pas, ça va probablement rien donner, on verra bien. Mais en fait, toute cette histoire a été une démonstration grandeur nature que non seulement les gouvernements, mais aussi l'industrie pharmaceutique et un grand nombre de milliardaires et de gens de pouvoir et de puissance ne veulent pas du bien à la population. Ils ont intérêt, ils le montrent et ils l'appliquent à ce que la population soit en mauvaise santé et que elle soit. Il y a plusieurs raisons à mon avis, mais une d'entre elles, c'est qu'elle soit complètement dépendante du système pour ce qui est d'avoir besoin d'accès à des soins. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous avez besoin de personne, vous êtes indépendant, vous êtes flexible, vous pouvez facilement vous remettre quand vous avez des problèmes, vous pouvez même déménager, changer de pays, aller travailler ailleurs. Si vous êtes en bonne santé, vous avez une capacité de rebond. Alors que si vous êtes en mauvaise santé, vous êtes focalisé sur vos problèmes de santé ou sur les problèmes de santé d'un de vos proches, donc vous êtes aussi pas une force politique très importante, vous n'avez pas le temps de vous préoccuper trop de tout un tas de choses. Donc puis bon, après il y a tout l'agenda de dépopulation que, à mon avis, les auditeurs connaissent bien, tout ce qui tourne autour de Bill Gates, qui a déclaré publiquement que déjà son père travaillait au prétendu planning familial aux États-Unis, donc il s'est targué face caméra d'être le fils de quelqu'un qui organisait l'assassinat d'enfants, et qu'il a toujours été intéressé par les questions de population, de surpopulation et donc de dépopulation. Et puis bon, bah, il est ouvertement, il avait fait un TED Talk où il dit que il faut qu'on réduise la population pour éviter le réchauffement climatique et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Enfin, on parle beaucoup de Bill Gates parce que je pense que c'est le plus médiatique, mais il y a un certain nombre d'autres personnes qui sont parfaitement alignées et qui sont moins volubiles, moins vocales sur le projet. Donc effectivement, je pense aussi pour les auditeurs et vis-à-vis du courrier, de faire leurs recherches quand on leur propose des traitements médicaux, quand on leur donne tout cru, des choses à faire prétendument pour leur santé, que le système approuve et ainsi de suite. Je conseille vivement de toujours faire des recherches. par exemple, sur les vaccins traditionnels, moi, je suis totalement hostile maintenant à la vaccination pour les enfants. Après avoir étudié et fait des recherches à ce sujet-là, bon, je suis pas médecin, mais j'ai quand même une connexion Internet, j'ai quand même accès à des données publiques auxquelles tout le monde aurait accès finalement via un moteur de recherche et en sachant cliquer sur des liens et en prenant le temps de s'informer, parce que la santé, c'est vraiment... Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais la santé, c'est vraiment ce qui est la base de tout. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est quelque chose à ne jamais négliger. Alors, c'est Brigitte Macron et ses projets architecturaux pour Notre-Dame de Paris. Et on va sombrer dans le complotisme hardcore, là. Alors, je cite, Roselyne Bachelot est c'est l'ancienne ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, quand même. Hein. Donc, une ancienne ministre aussi de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est quelqu'un d'assez établi, qui n'est pas connue pour être non plus complètement délirante. Je veux dire, voilà, bon, elle est exubérante, mais elle n'est pas délirante. Et elle écrit dans son livre récent toute une série de, j'allais dire, de témoignages, sur sa présence au sein du gouvernement français. Voici ce qu'elle dit, c'est un court passage. Je vous donne ça tout de suite, ça va vous intéresser. Alors, je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Évidemment, ça fait suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris. Quand je rentre rue de Valois, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural, entre guillemets, et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Alors, chers amis, Brigitte Macron voulait refaire la flèche de Notre-Dame à l'image d'un certain nombre de ses lubies et voulait remplacer donc la flèche par un sexe masculin, en tout cas quelque chose rappelant le sexe masculin avec des boules en or. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'il y a là quelque chose ou c'est de la médisance? Comment vous voyez ça? J'aimerais avoir votre petite opinion là-dessus. Brigitte aurait-elle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ah, et ben moi je vois deux choses. La première, c'est la digne continuité de ce qu'avait révélé Faits et Documents, à savoir que dans l'esprit de Brigitte, il doit y avoir l'idée d'un moulage sur son propre service trois pièces qu'elle aimerait exposer au monde une bonne fois pour toutes. Et je dirais que la deuxième chose, c'est pareil, c'est dans la continuité, c'est de vouloir une sorte d'église LGBT pour promouvoir le monothéisme de l'anus, cher à notre République et à ses valeurs. Voilà, c'est un mouvement deux en un côté Brigitte. Je la comprends tout à fait de son point de vue. Moi, je suis un peu plus réservé. Je suis pas très religieux, mais disons que j'aime beaucoup le symbole de Notre-Dame, l'héritage aussi hein, historique. Donc non, je ne suis pas vraiment en faveur de ce projet. Et, Brigitte devrait statuer une bonne fois pour toutes sur ce qui se passe en bas et avec Emmanuel Macron pour faire taire les rumeurs. Jean, qu'est-ce que tu penses que c'est là aussi c'est du coup, Roselyne Bachelot serait-elle devenue conspirationniste? Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Est-ce que... Non, je la crois suffisamment idiote pour avoir vendu la mèche dans son livre. Bon, de toute façon, oui, comme le dit bien Nogaret, sans partir trop dans le conspic auquel je crois, hein, j'ai lu à peu près tout ce qu'il y a à lire à propos de ce qu'on appelle la brigitologie maintenant, donc l'affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux, je suis assez calé, mais sans partir trop loin là-dedans, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des pudeurs de jeunes filles à ce propos, faut quand même noter que dans la version officielle, Emmanuel Macron avait 14 ans, quand il s'est mis avec sa prof d'officiellement 39 ans. Mais si la brigitologie a raison, ce serait plutôt Macron avait 14 ans quand il s'est mis avec un homme de 46, 47 ans, je ne sais pas exactement, mais dans ces eaux-là. Et donc, ça nous prouve bien, de base, en croyant la version officielle, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette femme. Elle a un petit côté vicieux qui est pas très naturel pour une mère de famille de 3 enfants, officiellement, encore une fois. Bah d'ailleurs, j'ai aimé ça. Excuse-moi, je te laisse reprendre après, mais tu sais, il est passé dans une émission avec des autistes, et à un moment donné, Tu veux dire, il a joué une pièce de théâtre avec des autistes, puisqu'il était totalement préparé par les lycées, même les questions. Évidemment, tout est toujours préparé. Mais il a dit qu'il était le père de 3 enfants, dont certains sont plus âgés que lui. Alors je voulais ta réaction. Non, mais je veux dire, c'était pas une blague. Je veux dire, c'était sur France 2 devant tout le monde. Il dit voilà, je suis père de 3 enfants avec ma femme. Et il dit mais attends, il y en a qui sont plus vieux que toi. Je crois qu'effectivement, comme le dit très bien Asselineau, qui n'a pas toutes nos grâces ici, mais il dit quand même des choses intéressantes. Je pense effectivement qu'Emmanuel Macron n'est pas tout seul dans sa tête et qu'il faudrait faire une expertise psychiatrique de ce type-là parce qu'il a un problème. Il dit des choses complètement délirantes en permanence. D'accord. Et donc toi, tu penses que Brigitte voulait mettre une, enfin voulait coiffer Notre-Dame de Paris avec une bite. Tu penses que c'est crédible? Bah oui, ça ne m'étonne pas du tout. De toute façon, allez, on part dans le conspire sur Notre-Dame, mais toute cette affaire a l'air d'être une vaste opération occulte de destruction de la France catholique ancestrale à son épicentre, puisqu'à mon avis, il n'y a pas plus central que la cathédrale Notre-Dame en France. Et parce que bon, déjà la République a un problème avec les lieux de culte catholique depuis un certain temps. Elle en est la propriétaire, me semble-t-il, mais elle a aussi des obligations de maintenance qu'elle ne remplit pas. Elle préfère d'ailleurs les raser quand prétendument ça coûte trop cher parce qu'il n'y a pas assez de fidèles. Mais ah bah ça, d'ailleurs, c'est une autre histoire. Bachelot, on a parlé d'ailleurs même dans la foulée, parce qu'elle était ministre de la Culture, donc en charge du patrimoine. Elle a dit qu'il faudrait foutre en l'air toute une série d'églises du 19e siècle parce qu'on en avait construit trop, a-t-elle dit d'ailleurs. Tu vois, donc c'est un sujet connexe. Hein, bah oui. Oui, bien sûr. Mais ils ont des plans, hein. Ils travaillent dessus, ça se voit, ça affleure régulièrement. Visiblement, ils sont embêtés par cette cathédrale parce que même si elle attire beaucoup de touristes, ils préféreraient mettre quelque chose d'autre, un temple maçonnique ou un parking, va savoir quoi exactement. Et ils ont des plans pour refaire le centre de Paris. Donc oui, l'objectif, paraît-il, c'était de faire raser, que la cathédrale s'effondre, mais les pompiers ont réussi à la sauver. Ce qui est certain, c'est que on n'a aucune explication, aucun début d'explication, une enquête qui ne... Enfin, on ne sait pas, elle n'existe pas. Ouais, voilà. Personne ne travaille sérieusement dessus. Or, des poutres qui ont plus de 1000 ans, ça prend pas feu comme ça. Vous pouvez essayer avec du vieux bois, vous allez pas avec un mégot mettre le feu à des vieux chênes qui ont plusieurs centaines d'années. Donc déjà de base, on ne sait pas ce qui a déclenché le feu et personne ne s'y intéresse dans le milieu politico-médiatique français. Personne ne demande. En fait, cette élite est complètement déconnectée du peuple de base. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens, je vois quand même régulièrement des gens qui disent « Bon, on aimerait quand même bien savoir ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Bah, » oui. Parce que c'est quand même un de nos plus vieux monuments et un de nos plus beaux monuments français. Et on ne sait toujours pas. Et ils disent qu'ils vont... le fait que Brigitte Macron, d'une manière ou d'une autre, soit impliquée dans les projets de reconstruction, dans les plans, déjà comment ça se fait, qui décide de ça, Personne n'est consulté. Oui, hein, oui, oui. Nokia, ben, Nokia oui, Ray, tu demanderais à ce qu'il se passe des choses, mais tu n'es jamais consulté pour quoi que ce soit. Et hélas, tu n'as pas beaucoup ton mot à dire sur la conduite des affaires en France et surtout pas sur la conduite des affaires culturelles et historiques en France. Bah, y a... Si je peux me permettre, Gandalf, c'est simplement pour rebondir là-dessus, mais moi je vois autre chose, c'est déjà dès Sarkozy, l'autre débile de Carla Bruni avait son mot à dire sur la politique migratoire de la France. Quand on regarde les témoignages qui a pu avoir lieu, par exemple, je crois que c'était... comment s'appelait ce conseiller qui l'avait fait élire ? Besson Buisson, qui oui. disait que en fait un projet avait été présenté à Sarkozy et que Carla Bruni se pointait en disant non, c'est non, on va pas faire ça. Ouais. Sur l'incendie de Notre-Dame, oui, évidemment, il est clair que c'est un attentat. Hein. Voilà, le peu d'empressement à élucider les causes démontre que l'intention était criminelle et qu'elle vient du plus haut. Bon, c'est un secret de Polichinelle, mais il est bien gardé, en tout cas suffisamment pour que les médias se taisent. Donc oui, c'est un incendie criminel, l'objectif était évidemment la destruction totale ou partielle de Notre-Dame, et il y avait bien l'idée derrière de construire quelque chose d'autre à la place. Parce que c'est toujours important, parce que bon, ça dépend comment on regarde le problème, mais faut savoir que les lieux de culte très anciens comme ça ne sont jamais choisis au hasard, en fait. Et, alors bon, vous en ferez ce que vous voudrez, mais il y a un domaine qui s'appelle la géobiologie, qui est l'étude, en fait, de la disposition des lieux de culte avec les flux d'énergie tellurique notamment, et on découvre que les très anciens lieux de culte mégalithiques ou païens ne sont pas du tout pris au hasard, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer un lieu de culte païen comme ça au milieu d'un champ parce que on aime bien ce champ, c'est toujours en fonction des lignes d'énergie supposées qui charrie le sol, mais aussi la disposition des étoiles, etc. Bon, bref. Donc, ces lieux sont considérés en fait comme une espèce de batterie d'énergie, en quelque sorte, qui ont une influence, qui sont à l'intersection de réseaux d'énergie et qui résonnent sur, notamment sur les masses humaines. Bon, vous croyez pas à ces théories, mais... modifier, en fait, s'emparer de ces nœuds où se trouvent généralement des monuments tout à fait remarquables et les transformer pour les façonner à l'image de la nouvelle religion, ce qu'ont fait d'ailleurs les catholiques. Hein. Les catholiques, les chrétiens se sont emparés des lieux de culte païens parce qu'ils auraient pu en construire ailleurs, mais ils ont pris ces lieux païens pour les transformer. C'est pas par hasard. Et même les païens, je veux dire, indo-européens, donc les Celtes, etc., se sont emparés des lieux qui étaient des lieux mégalithiques, donc de populations bien antérieures. Donc c'est, vous voyez, il y a une continuité, et c'est jamais fait par hasard. Donc je pense qu'il y avait ce calcul-là, qui était de refaçonner ça, parce qu'on, dans ces cercles-là, qui sont plus ou moins occultes, on espérait retirer quelque chose à caractère plus ou moins magique. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Et en tout cas, sur place, était présente Michelle Obama. Un autre travelot connu qui est en train de siroter du champagne, il ne ment pas, hein. Était sur un bateau mouche, sur la Seine, au moment où Notre-Dame brûle. Et elle a un collier, tout ça est pris en photo, elle a un collier où il y a marqué Burning. Donc en flamme, en feu, en train de brûler en anglais. Hein. Donc c'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Et alors les gens vont dire, mais non, mais c'est le hasard, ah oui, bon d'accord. Mais non, c'est une destruction rituelle qui devait préfigurer la reconstruction du lieu, mais par association, la reconstitution du système occidental. En fait, il y a un projet de reconfiguration du système occidental, et là, ça nous amène, je crois, vers le Great Reset, des choses comme ça. Alors, ça paraît un petit peu loufoque ce que je dis, mais j'ai tendance à croire que le symbolique rejoint le politique, et que ces gens-là en sont parfaitement conscients, et dans leur mégalomanie, voilà, hein, décident de s'emparer d'anciens lieux majeurs comme Notre-Dame de Paris pour essayer d'en faire des vitrines de leur propre pouvoir. Voilà, donc je pense qu'il y avait vraiment... c'était du terrorisme. Mais c'est très vieux, ça. Hein, je veux dire, mais quand vous étudiez la Révolution française, voilà, Révolution maçonnique s'il en est, vous remarquez que tous les grands lieux de culte catholique de l'époque ont été transformés en temples maçonniques. Oui, il me semble qu'ils ont fait des cérémonies avec des prostituées, particulièrement à Notre-Dame. Notre-Dame. Ils étaient très contents de détourner. De toute façon, c'est ça leur objectif, c'est de détourner pour des espèces de forces obscures, quoi. C'est de la magie noire quasiment à ce niveau-là. J'ai le cas de Brest, par exemple, où il y avait l'église Saint-Louis qui a été transformée en temple révolutionnaire et maçonnique, où en fait les grandes, lors des phases d'excès révolutionnaire, donc de terreur et de vandalisme révolutionnaire, il y avait des prêches qui étaient faits dans l'église transformée en temple maçonnique, où on disait voilà, je sais pas, il y avait un démagogue républicain qui arrivait là, il disait voilà, il racontait son truc, et puis ensuite la foule complètement possédée se mettait à tout casser. C'était comme ça, on a des témoignages comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement pris de soubresauts qu'ils se mettaient à tout casser dans l'église elle-même. Alors qu'elle était déjà, elle était déjà désaffectée et transformée en temple maçonnique. Mais ils étaient tellement possédés de rage qu'ils se mettaient à tout casser ce qu'ils avaient sous la main. Même le temple maçonnique en lui-même, avant de partir dans les rues et de s'en prendre à des gens gratuitement. Comme ça, d'ailleurs, j'ai un exemple toujours à Brest, hein, où ils ont un homme, c'était un soldat qui venait quelque part en France, mais il allait vers les Caraïbes, et c'était un militaire, et il devait passer par le port de Brest. Ils l'ont alpagué, alors qu'il était dans une taverne en train de boire une chope. Ils l'ont éventré dans la rue. Les émeutiers de révolutionnaires, quoi. Il n'y a eu aucune enquête, ni rien. Hein. Ça a été un... Voilà, c'était ça la masse révolutionnaire à l'époque, complètement possédée, complètement folle. C'est des phénomènes qui sont assez connus chez les primates d'excitation de groupe. Quand il y a en fait un des primates, ça a été observé par beaucoup de naturologues, qui capture une proie et qui la tue, il y a une espèce d'effet de groupe à la vue du sang qui se met à s'exciter et à se mettre à chercher frénétiquement d'autres proies. Et donc il y a une agitation de groupe qui se fait comme ça, et c'est exactement ce qui se passe dans des périodes comme la Révolution française, où en fait le sang se met à couler, et le sang appelle le sang, et il y a une escalade permanente, et il y a des groupes comme ça de gens qui errent en quête d'une nouvelle victime à tuer gratuitement, et c'est exactement ça, la Révolution française est truffée d'histoires similaires. Oui, absolument. Et donc vraiment, hein, ces églises reconverties en temples maçonniques, où venaient donc les tribuns révolutionnaires jacobins exciter la population, étaient le point de départ d'émeutes sanglantes à travers, bon là en l'occurrence Brest, mais c'était évidemment pareil à Paris. Les jacobins, ils étaient dans un ancien couvent, hein, je veux dire. Enfin, ancien monastère, donc c'est pas du tout par hasard. Mais j'ai appris des choses comme ça extraordinaires, c'est-à-dire qu'en fait, la subversion était déjà tellement avancée qu'il y avait carrément des ordres, il y avait toute une série d'ordres religieux comme ça, mais qui étaient des ordres révolutionnaires bien avant les révolutions. C'est-à-dire où l'athéisme était professé par les ecclésiastiques, où on appelait à renverser l'ordre établi. Hein. C'est-à-dire qu'on a une image d'Épinal sur tous ces phénomènes-là, mais... La subversion révolutionnaire était déjà très avancée, et maçonnique, j'insiste. Oui, et elle a persisté, l'occultisme s'est propagé, et c'est, comment dire, il s'est passé de génération en génération depuis, et un dernier point, maintenant que j'y pense, Emmanuel Macron aussi s'est fait interviewer, ou en tout cas il y a eu une sorte de documentaire qui a été fait sur lui il y a quelques mois, dans son bureau il a un croquis de Notre-Dame, oui, en train de brûler, oui. Et donc il a été vu comme ça, et c'est aussi une signature du crime, c'est-à-dire que il n'a pas un croquis des destructions de Notre-Dame par exemple, ou il n'a pas un croquis les plans pour la reconstruction, ainsi de suite. Non, il a la cathédrale en train de brûler, c'est-à-dire le crime en train d'être commis, quoi. Et donc, ça le signe, encore une fois, ce type était au courant, et est-ce qu'il l'a commandité? Il n'y a qu'un pas de le penser. Hein. Bon bah, sa singerie là, au Louvre avec ses bras symboliquement pour représenter le compas et l'équerre, bon, enfin, je veux dire, c'est un truc de gogol, mais ça marche toujours. Quoi. Je veux dire, bon, voilà, on sait d'où il vient. Il vient du Grand Orient, bon voilà, enfin, on connaît quoi. Hein, je veux dire. Puis son parrain, c'est Attali quand même, c'est le juif Attali. Bon, ça fait beaucoup quand même hein, pour un seul homme. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, est-ce qu'on sera privé de boules au dessert? La question est posée. On verra de quoi il retourne. Officiellement, elle sera fini en 2024, mais je pense que d'ici là, on aura une bonne guerre mondiale, et je pense que c'est totalement voulu. Donc, on se tiendra informé. Alors, messieurs, un petit crochet sur la réforme des retraites. J'ai pas jugé nécessaire de citer un article in extenso. Vous connaissez en substance le but de la réforme, qui est de repousser l'âge de départ à la retraite. Ça excite beaucoup l'opinion française. Emmanuel Macron a l'air d'y tenir, hein, cette réforme-là, ou ce qu'il présente comme une réforme. BlackRock aussi, puisque j'ai vu qu'il a reçu la visite du juif en charge de BlackRock pour lui dire que, hein, il faut serrer les boulons. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Je pense qu'un certain nombre d'auditeurs aimeraient vous entendre là-dessus. Est-ce que vous brûlez d'envie de la voir appliquée? Et sinon, pourquoi? Ou c'est un sujet, on va dire que depuis que là on en parle pas mal, j'envisage du coup de revenir en France et déposer à la préfecture mon nouveau parti, le NSBAP, le Parti National-Socialiste Anti-Boomer, afin de mettre fin à cet esclavage en règle fait par cette génération maudite. C'est-à-dire que, bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on regarde comment ils justifient leur changement, c'est toujours la même chose. Le chômage est haut, mais ils vous disent qu'il faut travailler plus longtemps. En même temps, bon voilà, on voit bien que les nouvelles générations s'appauvrissent en termes de capacité intellectuelle, donc le pays ne va pas aller mieux aussi à ce niveau-là. Bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses en fait qui ne vont pas. Les boomers sont au centre de cette retraite, comme ils sont au centre du système de vote, de beaucoup de choses qui ne font que ce pays s'enfonce. Mais quelque part, je me dis que si tout ça se crache en vol, si la France fait un défaut de paiement à cause de ce genre de choses, eh bien ça pourra ouvrir des temps un peu plus intéressants pour restaurer certaines choses. Jean, tu penses quoi de la réforme en question? Bah, une fois de plus, dans ce pays communiste, on parle pas. Quand on aborde un problème, on l'aborde pas dans les bons termes. C'est-à-dire que on discute d'un système qui est intrinsèquement mauvais. Qui consiste à dire que les jeunes, ceux qui travaillent, doivent cotiser pour des vieux qui atteignent une sorte de nirvana. Ils atteignent un âge, bon bah là c'est un des paramètres visiblement du système, et à partir de ce moment-là, ils sont au paradis, ils n'ont plus besoin de travailler du jour au lendemain. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas une réduction progressive du temps de travail en fonction des capacités de chacun. Non, c'est vraiment du jour au lendemain. Et ensuite, l'objectif, c'est de profiter. Voilà, ça c'est le mot. Il faut profiter de sa retraite. Alors qu'en fait, bon, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le système ne tient pas en tant que tel puisqu'il y a trop de retraités, trop de bénéficiaires par rapport au nombre de cotisants. Donc c'est un système qui a besoin en permanence d'être alimenté en nouveaux cotisants pour payer les retraites de ceux qui en bénéficient. Donc en bon français, ça s'appelle un système de Ponzi. Donc de base, ça marche pas. Mais ensuite, comment se fait-il qu'on décide comme ça qu'on va tout socialiser, on va... Donc tous les gens qui travaillent vont payer pour ce système, Alors qu'il y a d'autres moyens de faire. Par exemple, on peut avoir un système par capitalisation, mais tout le monde y est allergique, alors qu'il faudrait peut-être discuter de au moins changer ça pour que les choses se passent par capitalisation. Bon, notre auditeur qui avait par exemple 5 logements, j'imagine qu'il est ou il approche de la retraite parce qu'on n'a pas 5 logements en théorie à 30 ans. Et bon, bah, quand on a 5 logements avec des revenus, en théorie, on n'a pas exactement besoin qu'en plus des actifs versent à cette personne 3 à 4 000 euros par mois pour qu'elle vive. Bon, bah, c'est un peu du bon sens de dire il faut que chacun ait une sorte de solde avec un compte et qu'il puisse abonder dans ce solde, comme c'est fait dans un certain nombre de pays développés dans lesquels, que je sache, les retraités ne sont pas laissés à mourir dans la rue, et que, en fait, chacun soit responsable de sa prévoyance et de sa retraite avec un certain degré de latitude. Donc, si les gens veulent que l'État les force plus ou moins à travers des incitations fiscales à mettre de l'argent de côté, de l'argent qui est bloqué, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. Il me semble que c'est le système à Singapour. J'avais aussi lu que c'était le système en Suisse. Bon, ben, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Mais non, en France, on parle uniquement de sauver ce système communiste. Alors, on essaye de jouer sur des paramètres comme ça, faire des micro-changements qui polarisent à fond, alors qu'en fait, les termes du débat sont mal posés, à mon avis, et on a l'impression que tout le monde est bloqué dans une prison mentale. C'est-à-dire qu'il y a que ça, c'est le seul horizon possible. Et puis, c'est aussi que ce soit ceux qui luttent contre la réforme, alors que ce système n'est pas tenable, et que ce soit ceux qui défendent la réforme, les vieux, alors qu'ils touchent beaucoup trop d'argent par rapport à ce que les actifs sont capables de soutenir. Donc tout le monde a faux, à mon avis, dans tout ce débat. Et bon, bah, de toute façon, ça va aller comme on pense que ça va aller. Comme ce système républicain est basé en partie sur cette promesse de la retraite, et ben, comme il va finir par s'effondrer, le problème va se résoudre tout seul. Puis, il me semble avoir lu quelque part, je pense que j'ai lu ça sur Twitter quelque part, quelqu'un qui disait, de toute façon, le problème va se résoudre de lui-même, puisque les immigrés qu'on a fait venir pour payer les retraites vont dire qu'ils veulent pas payer les retraites parce que c'est pour payer des retraites de ces vieux blancs qui les réduisent en esclavage comme au temps des colonies. Donc, ils sont exemptés de payer les retraites. Donc, de toute façon, comme il n'y a plus assez de jeunes blancs qui travaillent, le système va s'écrouler tout seul. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses intéressantes là. Effectivement, je crois que, bon, déjà, tu as raison. Ce qui m'intéresse, effectivement, dans l'axe narratif choisi par les uns et les autres, c'est effectivement qu'il n'y aurait que ce système possible. Or, ce système fait la démonstration qu'il n'est pas viable. Donc, plutôt que de dire comment se fait-il que ce système n'est pas viable et comment le dépasser, on nous dit non, mais rassurez-vous, on a une rustine, ça va marcher. Alors, je m'arrête brièvement sur la démarche de Macron, qui est évidemment guidée par le cynisme à deux titres. Premièrement, électoralement, il y a une réalité électorale en France. Il y a aujourd'hui à peu près 17 à 18 millions de retraités, donc qui dépendent des subsides de l'État pour vivre, hein, parce qu'en fait, c'est ça, hein, en substance, hein. Donc, ils dépendent de l'État pour vivre et ils sont extraordinairement demandeurs de protection étatique, donc de protection gouvernementale. Et ils votent pour celui qui assure le versement des pensions. Ça, c'est d'une. Regardez l'échéancier choisi, 2030, la retraite à 64 ans pour tous, etc. Et c'est plus avancé dans d'autres pays. Et d'ailleurs, on nous dit, voilà, vous avez vu, c'est plus avancé ailleurs, comme quoi vous avez plutôt de la chance, hein. On nous dit 2030. 2030, c'est intéressant. Pourquoi 2030? En 2030, il y aura 20 millions de retraités en France, théorique, hein. Je veux dire, ça, c'est de la simple démographie. Donc, vous avez un bloc de 20 millions de gens qui n'auront qu'une obsession, recevoir leur pension à la fin du mois par l'État. Et ils voteront pour n'importe qui le leur garantira. Et si vous dites horizon 2030, vous vous assurez de la stabilité électorale de votre bloc politique jusqu'en 2030. Et c'est ce que fait Macron. Il dit, voilà, je vous garantis vos retraites jusqu'en 2030. C'est ça qui s'adresse aux retraités. Il leur dit, je vous garantis avec cette réforme le versement de vos pensions. Voilà. Et pour lui, bah, c'est la martingale gagnante. Ça veut dire qu'il va gagner systématiquement toutes les élections avec ce bloc qui ne fait que croître démographiquement comparativement aux autres. Voilà. Et c'est certainement pas le bloc immigré qui va lui faire de l'ombre, puisque lui-même, le bloc immigré, est dépendant des subsides de l'État, vous connaissez ça comme moi, l'assistanat, pour continuer. Donc en fait, c'est facile pour Macron, c'est simple, la dynamique démographique dans sa structure joue en sa faveur. Donc il n'a qu'à courtiser ces gens-là, et ça marche. De l'autre côté, Macron a besoin des lignes de crédit de la finance internationale, parce que l'État français est un État en banqueroute, il est ruiné, et sans l'afflux de cash de l'extérieur, l'État français fait faillite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pension, il n'y a plus de CAF. Bref, c'est la remise à zéro des compteurs. Bon, ils ne sont pas très friands de ce côté-là. Donc, il doit demander des crédits. Et bah, les financiers internationaux lui disent, bah, oui, nous, on veut bien te donner des crédits, mais il faut montrer que tu es capable de presser le citron. Il faut tu arrives à tirer davantage de ta masse d'esclaves. Alors Macron s'exécute, il veut une ligne de crédit, donc il dit, vous allez voir, moi les actifs, je vais les faire marner. Voilà. Donc c'est ça les deux lignes directrices, c'est maintenir les lignes de crédit auprès des créanciers de la France, de l'État français, qui est en faillite, et deuxièmement, s'assurer de la stabilité de son bloc électoral, qui est un bloc gérontocratique, à la tête duquel se trouve Macron. Bon, c'est l'objectif de la réforme, c'est essentiellement de la poudre aux yeux quand même, parce que, évidemment, c'est pas durable, c'est pas viable, mais ça peut marcher sur le court et le moyen terme, et c'est l'objectif. Voilà. Alors, il y a les actifs, là-dedans, c'est les dindons. Hein, c'est les dindons, parce qu'électoralement, c'est pas les plus forts. Énormément d'abstentionnistes, parce qu'ils savent que ça marche pas, le système est construit contre eux, donc ils peuvent voter pour qui ils veulent, ils perdent à chaque fois. Voilà, donc il y a une espèce... Et en plus, il est coupé en deux, le bloc. Hein, il y a d'un côté les gens qui sont RN, il y a de l'autre les mélenchonistes. Donc quand ils votent, c'est un des deux, et puis beaucoup s'abstiennent. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas électoralement gagner, alors que le bloc des vieux, lui, il est globalement assez unifié autour de Macron, plus quelques bourgeois, voilà. Donc et politiquement, ça ne marche pas. Et plus le temps y passe, pour les raisons de vieillissement, moins les actifs gagnent, les actifs blancs, moins ils gagnent. C'est-à-dire il y a une tendance qui les met toujours plus en minorité dans le rapport de force général, au profit des pensionnaires. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Et c'est indépassable. C'est pas de l'ethno-mathématique au sens strict, hein, comme dit Lugan, mais c'est au moins de la mathématique générationnelle, hein, au plan électoral. C'est de la socio-mathématique, puisque les riches, c'est les vieux actuellement, et les pauvres, c'est ceux qui travaillent, ce qui est incroyable. Oui, parce que ça, c'est une autre donnée, c'est que les retraités en France sont les mieux lotis d'Europe par rapport aux actifs. C'est ça qu'on ne dit pas aussi assez. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, ils gagnent un peu mieux que les actifs, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus, et pourtant, ils gagnent mieux leur vie. Hein. Donc, et vous avez qu'à remarquer, dans cette histoire-là, ils disent « Oui, mais il faut contribuer à la solidarité entre générations, etc. » Mais remarquez que la solidarité entre générations que nous vendent les médias et que nous vend Macron, elle ne va que dans un seul sens. C'est les jeunes actifs qui doivent être solidaires des vieux, pas l'inverse. Vous n'entendez parler nulle part de réduire les pensions de retraite. Ça n'existe pas. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de professeurs retraités qui mériteraient qu'on comprime très violemment leur pension. Hein, moi, je suis pour la supprimer d'un seul mouvement, d'ailleurs. À partir du moment où on est prof retraité, je pense qu'on n'a pas le droit à une pension de retraite. Mais voilà, vous avez remarqué, on n'entend ça nulle part. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Réduire les pensions de retraite, sûrement pas. Là typiquement, on sort le violon. « Oh, mais les vieux qui n'arrivent plus à manger. » Alors, tu sais, vous sortez la petite minorité. Ils vous parlent pas des autres qui sont des... Je veux dire, ils ont trois baraques, ils ont une pension. Ils ont toujours voté socialiste, à gauche, à bloc. Et là, ça m'amène à l'hypocrisie de cette génération que sont les 68-ards. Parce que ils ont voté Mitterrand pour avoir la retraite à 60 ans, les types. Et maintenant que eux sont en retraite, ils votent pour la faire passer à 64, et en réalité à 67 et à 70. Et en fait, il n'y en aura pas. C'est ça, en fait, l'histoire de l'âge. En fait, c'est simplement qu'on repousse. On ne peut pas dire aux gens, mais vous n'en aurez pas de retraite. On ne va pas dire aux jeunes actifs, là, les gars, vous n'aurez pas de retraite. Vous cotisez, vous, oui, mais vous n'en aurez pas. Vous cotisez à perte. Parce que si on dit ça, les mecs ils disent, dans ces conditions-là, moi je refuse de cotiser. Ah ouais, mais le système s'écroule. Donc il faut leur dire, non, mais vous... Oui, mais c'est une évidence pour tout le monde. C'est une évidence pour tout le monde à 30 ans, 30, 35 ans, si les gens ils savent qu'ils n'auront rien. Ah, je ne sais pas, hein, je sais pas si c'est si clair que ça. En tout cas, c'est l'arnaque en fait. On leur dit, non, mais vous allez bosser juste un tout petit peu. Mais, et vous aurez aussi à votre tour une retraite, vous comprenez. Et puis l'espérance de vie, là ils jouent sur les mots. Mais en réalité, on a bien compris que... Il n'y a pas d'horizon là de 2030, c'est juste de tenir le bloc un peu plus longtemps, là, donc financer les 68 arts. En fait, juste, voilà, hein, parce que leur nombre, ça croît. Les actifs, aujourd'hui, on s'en fout. Là, le système s'en fout totalement. Il n'attend qu'une chose d'eux, c'est qu'ils crachent, qu'ils crachent au bassinet, qu'ils passent à la caisse. C'est tout. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, bah, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, bon, évidemment, c'est très théorique, parce que le système est condamné, voilà. Mais moi, j'ai une conception, pas uniquement par capitalisation, parce que je pense que c'est pas suffisant, parce qu'il y a la question de la natalité. Moi, je pense, en fait, que c'est les enfants des couples qui devraient financer la retraite de leurs parents. Et ça, ce serait une puissante incitation à faire beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que par la force de la loi, vos enfants financeraient votre retraite. Et là, si vous voulez, en termes de stratégie éducative, là, les parents, ils seraient très responsabilisés. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir des enfants qui foutent rien. Vous n'avez pas un seul gosse, et en plus, le type, c'est un train de savate, il ne fait rien. Vous voyez, là, les parents, ils disent, on dépend de nos gosses pour avoir une retraite. Là, on a intérêt à investir lourdement dans l'éducation de nos gosses, puis ils ont intérêt d'être efficaces. Ça responsabilise les gens, c'est réaliste, parce que du coup, on remet la question de l'équilibre intergénérationnel au plan démographique, alors que les 68 ans, ils n'ont pas fait assez de gosses, mais ils estiment avoir le droit à avoir je ne sais quelle pension, alors qu'ils n'ont pas fait assez... Concrètement, ils n'ont pas fait assez d'actifs. Et là, on remet les compteurs à zéro et on dit, mais non, vous êtes, vous, à la tête de votre système de retraite, au plan familial, et ça renforcerait la cellule familiale. C'est-à-dire la famille retrouverait sa place qu'elle doit avoir dans la société. Donc ça n'aurait que des effets vertueux, pratiquement. Alors évidemment, on pourrait ajouter quelques systèmes correctifs, je veux dire, parce qu'il peut y avoir des gens qui se retrouvent, je sais pas, pour X raisons, ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants, enfin, ça peut arriver, bon, il y aurait des petits correctifs comme ça ici ou là, mais globalement, ce serait la direction générale. Et ça, ce serait une vraie réforme du système de retraite. C'est-à-dire qu'on quitte le système collectiviste de retraite où tu peux pas faire de gosse, mais tu peux prétendre, parce que tu dis que tu as cotisé, machin, alors que c'est à courte vue, et ça relance la natalité, ce qui est principalement l'objectif. Alors on les voit parce que les mecs vont dire « Non, mais quand même pas, on peut pas faire ça, rendre compte, etc. » Bah oui, mais si vous faites pas de gosses, on va vous importer le tiers-monde. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qu'on nous dit. Rappelez-vous, Delevoye, j'ai dit ça souvent dans l'émission, je l'ai cité et recité, mais Delevoye l'a dit, et d'ailleurs, il était en banlieue parisienne. Ils parlaient de la retraite, et il n'y avait que des Noirs et des Arabes hein, de banlieue, hein. Ils avaient 20, 25 ans. Alors, je ne sais pas si très enthousiaste, mais en tout cas, ils leur disaient, oui, mais on va avoir besoin en Europe occidentale de 50 millions d'immigrés d'ici 2050. Alors, ça vient vite, hein, c'est en 25 ans. 50 millions d'immigrés supplémentaires pour compenser, soi-disant, la dépopulation et financer le système de retraite. Et là, j'en viens à mon dernier point, c'est que quand on écoute ces gens-là, les systèmes qui ont été conçus pour le peuple, parce qu'au départ, c'était une idée... Le système de retraite est conçu pour le peuple. Mais il y a une inversion maintenant. Maintenant, c'est le peuple qui est au service du système social. Donc en fait, peu importe ce qui compose la population, il faut à tout prix sauver le système social. Ben non, c'est l'inverse. Le système social a été conçu pour le peuple, mais pour le peuple avec une dimension historico-raciale, c'est-à-dire le peuple autochtone. Voilà, si ce système ne marche plus, c'est le système qu'il faut remettre en cause. Mais c'est pas sauver le système à tout prix, quitte à importer l'Afrique. Enfin, c'est une aberration. Or, c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est ce qu'ils font. Ils font pas que le dire, le font. Voilà. Donc on est comme tu l'as bien dit, en fait le débat est mal posé depuis le départ. Alors à partir du moment où la question est mal posée, les réponses qui suivent sont de mauvaises réponses. Il y a énormément aussi de désinformation, de mensonges, de démagogie de part et d'autre. Donc rien n'en sort. Mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent juste gagner quelques années, en fait. C'est juste ça, le système, c'est juste ça, en fait. Ils s'en foutent de ce qui va se passer dans 20, 30, 40 ans, ils s'en tapent. Ce qui les intéresse, c'est voilà, comment on navigue à vue jusqu'en 2030. Voilà, et c'est l'objet. Et malheureusement, et en raison de la dépolitisation des jeunes, alors bien sûr, ils disent dans les opinions, ils sont dans les sondages d'opinion, ils sont contre. Oui, c'est bien gentil, mais tu peux être contre et s'ils décident de passer, ils passent. Donc, mais comme il n'y a pas de force d'alternative, parce que c'est bien beau de dire on est contre, mais qu'est-ce que les gens proposent? Alors moi, j'ai fait une petite proposition là, vite fait, mais bon, il n'y a pas de force de contre-proposition. Vous entendez, en fait, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je dis, bon, il faut garder le système et on passe à 60 ans. Ouais, d'accord, mais où tu trouves le fric? C'est ça, quoi. Pourquoi pas 55? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, quoi? Donc, en fait, ils répondent pas aux questions. Et Macron a beau jeu de dire, bah, au fond, bah, vous avez vu, ouais, ils sont irresponsables, voilà, ils disent à 60 ans, c'est des démagogues. Vous avez vu, c'est avec des gens comme ça, on peut rien faire. Bon, bah voilà, faites-moi confiance, je guide le navire, voilà. Et ça passe. Les gens, ils disent, bon, bah ouais, bon, bah finalement, faut quand même qu'on le fasse, quoi. Voilà, voilà. En fait, il y a une affirmation qui sous-tend tout ce débat en permanence, c'est cette espèce de droit à la retraite. C'est-à-dire le droit d'être dépendant des autres à partir d'un certain âge. Et bon, bah, tu l'as bien expliqué, mais de toute façon, comme de manière réelle et réaliste, tu n'es toujours dépendant quand tu es vieux que des jeunes. C'est-à-dire que bah, tu dois ta sécurité, tu dois le maintien des infrastructures, tu dois le maintien de l'économie, le fait qu'on te donne à manger, ainsi de suite, du fait qu'il y ait des jeunes qui travaillent et qui maintiennent tout ce système. Donc, dans tous les cas, un système qui, enfin, il faut des systèmes qui arrivent à prendre ça en compte pour que les vieux soient le moins possible un poids pour les autres. Et tu l'as bien expliqué. Moi, je suis assez d'accord avec ton idée, mais en fait, le plus simple, ce serait que l'État supprime toute forme de système organisé par l'État, finalement, et donc les gens devraient s'organiser eux-mêmes, comme c'était avant, comme ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Les gens doivent s'organiser, et c'est pas à l'État de décider ce genre de choses. L'État doit décider quel est le budget militaire, comment est-ce que les frontières sont gardées, et ainsi de suite. Mais décider qu'à partir d'un certain âge, telle personne pourrait partir parce qu'il y a des régimes spéciaux, il y a des gens qui peuvent partir plus tôt, d'autres plus tard, et ainsi de suite. C'est des arguties interminables et ce sera forcément injuste et un mauvais système, puisque quand ils nous parlent des vieux qui n'ont pas assez pour manger ou pour chauffer, ben oui, c'est sûr, hein, c'est triste, mais il y a aussi des jeunes qui travaillent et qui ont à peine de quoi se payer un 14 mètres carrés dans une ville. Bon, ben, il y a aussi des gens qui travaillent et qui ont du mal à payer de quoi se nourrir. Hein. Ça arrive aussi, donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout le temps prendre en compte les cas particuliers, toutes ces choses-là, et puis c'est un système qui dresse les uns contre les autres. On a les vieux contre les jeunes, donc les générations sont hostiles les unes aux autres, les vieux disent que les jeunes travaillent pas assez, qu'ils veulent pas assez travailler, enfin ça donne un truc où l'État se fait l'arbitre de tout et forcément ça va donner de très mauvais résultats. Thank you. Alors messieurs, je vous propose de passer à la discussion de la semaine. Nous allons aller vers l'Ukraine pour discuter un peu de l'évolution du conflit. Et les choses deviennent beaucoup plus sérieuses comme on pouvait s'y attendre. Et là, je vais citer le site d'information anglophone qui s'appelle Understanding War, en français comprendre la guerre. Il est pro-ukrainien d'ailleurs ce site, je tiens à le préciser. Et il donne les informations suivantes. Les responsables occidentaux se joignent de plus en plus aux autorités ukrainiennes pour avertir que la Russie se prépare à une deuxième vague de mobilisation imminente. Le 13 janvier, le quotidien britannique The Times a rapporté que les services de renseignement occidentaux indiquaient que le président russe Vladimir Poutine pourrait déclencher une nouvelle vague de mobilisation de soldats et les diriger vers les lignes du front en Ukraine d'ici avril, si les responsables russes décidaient de lancer donc une nouvelle vague de mobilisation dans les semaines à venir. Un responsable occidental anonyme a déclaré que les bureaux de recrutement régionaux russes étaient engagés dans de sérieux préparatifs. Le responsable a ajouté qu'un sondage parrainé par le Kremlin montrait également que les Russes étaient inquiets au sujet de la guerre, mais soutenaient sa poursuite par crainte d'une défaite. Plus exactement, en fait, la perspective d'une défaite leur est intolérable, et donc ils soutiennent tous les efforts nécessaires afin de remporter le conflit. Donc le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a tenté de limiter la confusion et l'inquiétude croissante du public russe concernant l'élargissement de l'éligibilité à la mobilisation. Peskov a commenté les rapports officiels contradictoires selon lesquels le chef d'état-major général russe Valéry Gerasimov aurait mis fin aux exemptions de mobilisation pour les pères de 3 enfants ou plus, en déclarant que le Kremlin n'était pas au courant d'une telle résiliation. La réponse de Peskov n'a cependant ni confirmé ni démenti que le ministère russe de la Défense ait mis fin ou envisage de mettre fin au report pour les pères de plus de 3 enfants. La controverse se poursuit au sein du public russe concernant la probabilité et les implications d'une seconde vague de mobilisation. Donc c'est donc, voilà, ça se précise. Le Times, dont j'ai consulté l'article, fait état d'une mobilisation, d'une vague de mobilisation de 500 000 hommes, hein, 1,5 million d'hommes supplémentaires. Donc pour faire état des forces actuelles, il y a eu une vague de mobilisation, comme vous le savez, à la fin de l'été de 300 000 hommes, qu'il a fallu donc faire converger vers les centres de formation, armés, équipés, etc. Et donc là, on parle de 500 000. Il y a eu 70 000 volontaires qui ont répondu à l'appel des autorités du gouvernement russe et qui s'y ajoutent, donc à ces 300 000. Et on a aussi les troupes de Wagner, qui sont des mercenaires, qui sont payés, hein, et qui représentent à peu près 50 000 hommes au total. Il y a un certain nombre qui sont en Ukraine, les chiffres varient sur leur déploiement, bon, pas s'y attarder. Et je rappelle que les forces russes sont entrées en Ukraine avec environ 150 000 hommes. D'accord ? Donc c'était une opération qui était effectivement limitée. Donc on est passé de 150 000 hommes au début du conflit en février 2022 à, théoriquement, environ 570 000 avec les volontaires, la mobilisation qui commence à produire ses effets, et les mercenaires. Mais il y a évidemment eu des pertes qui sont plus, c'est contesté, mais plus ou moins 5 000 personnes, blessées, prisonniers ou tués. Et donc la Russie a actuellement environ 470 000 hommes affectés ou en cours d'affectation au théâtre d'opération ukrainien. Ce n'est pas la totalité des forces armées russes, hein, c'est bien le théâtre ukrainien, mais ce chiffre pourrait considérablement augmenter, doubler d'ici quelques mois, si une nouvelle vague de mobilisation a lieu. Et là, on parle d'un demi-million d'hommes, donc ce qui porterait l'effectif global à pratiquement 1 million d'hommes, 1 million de soldats russes en Ukraine. Hein, en Ukraine, alors, soit en première ligne, soit en deuxième ligne, en réserve, etc. Bon. Bien sûr, tout le monde n'est pas en première ligne, mais enfin, c'est considéré 1 million d'hommes, et très probablement, ce n'est pas la fin de la mobilisation russe, loin s'en faut. Est-ce que vous voulez commenter la situation ? Je rappelle quand même que dans les médias français actuellement, français et occidentaux, hein, bon, bien sûr, c'est pas uniquement en France, on nous dit que voilà, hein, en tout cas, moi, si j'en crois les journal Le Monde, BFM TV, Libération, L'Express, Le Point, les commentateurs sur les plateaux de télévision, c'est réglé. La Russie a perdu la guerre, c'est fini, c'est une question de semaines, hein, pratiquement, si ce n'est de quelques mois, voilà, et c'est entendu. Je voyais même un commentateur du journal L'Opinion, qui disait que Macron devait se précipiter pour offrir des chars Leclerc pour être du côté du vainqueur avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Sous-entendu, l'Ukraine va gagner incessamment sous peu, il faut être sur la photo, et on n'arrive pas les mains vides. Donc il faut se précipiter aux côtés de l'Ukraine parce que la messe est dite. Alors, quel est votre sentiment là-dessus ? Eh bien, je vais commencer. Notamment, je ne commenterai pas sur la question des effectifs, etc., tant qu'il n'y a rien de signé, pour moi, vu tout le bruit qui est autour de cette guerre, la propagande de part et d'autre, hein. Rien n'est jamais sûr jusqu'à ce que ce soit vraiment effectué. Ceci étant, en fait, c'est toujours impressionnant de voir effectivement que côté occidental, on est toujours là à dire ça y est, c'est fait, la guerre, c'est sûr, est perdue pour la Russie, etc. Tandis que les chiffres nous montrent quand même d'autres réalités. La Russie a eu une année 2022 pas forcément évidente économiquement, mais s'en est plutôt bien sortie, a plutôt bien accusé le choc. Elle a encore de grosses réserves. Son commerce a été augmenté, par exemple avec la Chine, je crois, de 30%, les échanges entre les deux pays. Donc c'est un soutien un petit peu tacite, par exemple, de la Chine. Ça montre aussi, d'ailleurs, que contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas une isolation internationale de la Russie. La Russie est en relation avec énormément d'autres pays et des puissants. J'ai cité la Chine, mais on peut prendre d'autres pays. La Turquie, par exemple, qui joue un jeu un petit peu trouble, bien sûr, où on voit que elle essaye de se rabibocher avec la Syrie, avec l'aide de la Russie. Enfin, beaucoup de choses comme ça font dire que finalement, la Russie reste dans une assez bonne dynamique. Sur le terrain, elle a toujours la supériorité de l'artillerie. Et on fait actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est une guerre vraiment d'artillerie avec des drones, etc. Bref, je rentre pas dans le détail, mais la Russie s'en sort très bien. Et donc, il y a aussi autre chose qui est oubliée, c'est que il y a une question de temps long. Et la Russie a le temps. Elle peut faire des conquêtes un peu plus tranquillement. On attendait bien sûr au début une conquête rapide. La Russie s'est peut-être trompée là-dessus. Enfin, les Russes se sont peut-être trompés là-dessus, mais la Russie a le temps. C'est pas un pays qui est en voie de se désagréger avec une grosse partie de sa population qui a fui, comme l'Ukraine, l'autre partie qui vit dans une corruption permanente, qui n'a plus d'électricité, etc. Bref, pour moi, l'Ukraine est quand même en bien plus mauvaise posture que la Russie, Poutine arrive à plutôt bien mener cet effort de guerre avec des difficultés qui sont inhérentes à tout pays, et c'est pas les quelques livraisons de chars légers par Macron, de les déclarations du Polonais qui dit qu'il va donner des chars allemands, alors que l'Allemagne veut absolument pas participer à tout ça. Je pense que tout ça ne changera rien ou trop peu, et que pour moi, voilà, la Russie est en passe de progresser dans cette guerre, peut-être lentement, certes, mais elle a le temps. Jean, ce qui sort effectivement d'un point de vue technique, c'est qu'on est sur un combat qui est assez similaire à la Première Guerre mondiale, avec des drones en plus et des avions en moins, puisque les avions se font abattre très rapidement. Les Russes utilisaient des hélicoptères au début, mais également c'est des cibles très faciles pour la défense au sol. Donc c'est une sale guerre. Il y a des vidéos, qui nous montre des terrains en Ukraine avec des forêts complètement ravagées, qui ressemblent énormément aux photos qu'on a de la Première Guerre mondiale, la butte de Douaumont et d'autres forêts autour de Verdun qui ont été complètement ravagées. Bah, c'est un peu similaire. Tir d'artillerie des deux côtés et essayer de faire le plus de morts avec de l'infanterie au sol qui se bat quasiment au corps à corps parfois. Il y a des vidéos particulièrement horribles de. Bah, j'en ai vu une, c'est un Russe qui tombe sur deux Ukrainiens dans leur dos et bon, bah, il les désarme et il les tue assez froidement alors que c'est des gamins. Les Ukrainiens en sont à mobiliser des gens très jeunes, quoi, 18, 20 ans, c'est incroyable, cette guerre, une fois de plus, on se rend pas trop compte en Occident, dans le reste du monde, en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, de mémoire d'homme, en fait, on n'avait pas vu ça, c'était des générations qui sont parties, qui avaient connu de telles guerres, donc on a déclenché quelque chose, à mon avis, dont on ne maîtrise pas du tout les conséquences, parce que il y a plusieurs choses qui sont très très graves dans ce qui est en train de se passer, enfin graves surtout dans le sens lourd de conséquences. D'abord, on voit des deux côtés la formation de mercenaires et de professionnels de la guerre. Ça devient officiel, en fait, du côté russe comme du côté occidental. Et en fait, une fois qu'on a des professionnels de la guerre, bah on a des guerres en permanence, parce qu'il y a des gens qui sont capables et qui sont compétents dans la guerre. Donc, notamment la formation de Wagner, qui est, d'après ce que j'ai pu lire, essentiellement composée de Serbes. On sait pourquoi, puisque les Serbes sont quasiment des Russes de l'Ouest, en fait. C'est vraiment un des peuples tellement proches, frères, qu'on pourrait quasiment les amalgamer. Et ben, il y a aussi des risques de contagion au niveau de la Serbie, du conflit. Donc là, ce serait très compliqué pour les Serbes puisqu'ils sont totalement entourés de pays ennemis. Mais on ne sait pas. C'est très imprévisible ce qui risque de se passer, puisque est-ce que les pays autour seraient hostiles forcément? Est-ce que la Hongrie serait hostile à la Serbie, ou est-ce qu'elle se rangerait du côté plutôt russe? On ne sait pas trop. Et puis une autre chose, c'est que maintenant les Russes, ils vont plus s'arrêter. L'ours est sorti de la cave et il va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant qu'ils mobilisent, maintenant qu'ils se professionnalisent et que la Russie prend en puissance et prend en assurance, évidemment qu'ils vont être plus gourmands. Qui s'attendaient à quoi, nos dirigeants, en lançant une guerre contre la Russie? Ils vont demander plus, et ils auront raison, puisqu'ils vont ils se battent à mort contre un système qui veut le démantèlement de la Russie, comme on l'a déjà signifié plusieurs fois ici. Donc forcément, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin s'ils ont des victoires sur le terrain. Mais bon, pour parler d'une issue possible du conflit, là on s'oriente vers une guerre longue. Qui va se solder par l'effondrement d'un des deux blocs. Donc, Nogaret est optimiste vis-à-vis de la Russie. Moi, comme je l'avais signifié plus tôt, je suis toujours 50-50. L'Occident a quand même des atouts non négligeables, certes dégueulasses et beaucoup de corruption, mais néanmoins, il arrive quand même à mener cette guerre. Et on ne peut pas écarter des troubles sociaux, des troubles à l'ordre public en Russie, une fatigue de guerre. C'est pas le cas pour l'instant. Visiblement, la population soutient encore la guerre d'après les données qui nous parviennent. Et il y a une certaine mobilisation du peuple russe, mais jusqu'à où, jusqu'à combien de morts? Parce que ça fait des morts. Les Russes, c'est aussi une autre raison pour laquelle la guerre va pas s'arrêter comme ça simplement. Maintenant qu'il y a eu des morts, il commence à y avoir beaucoup de morts. Un des deux camps va vouloir capitaliser sur les morts. Donc les Russes, s'ils ont perdu 100 000 hommes, qu'ils en perdent 200, 300, 500 000 encore, eh ben ils vont être gourmands. C'est évident qu'ils auront raison. Donc en fait, là on est toujours sur une issue incertaine. Les Russes visiblement reculent par endroits, avancent sur d'autres, mais c'est des petits terrains, quoi. C'est pas une blitzkrieg, c'est pas une opération Barbarossa où on avance sur des milliers de kilomètres de toutes parts. On avance 20 kilomètres, on recule 30 kilomètres autre part, on construit des lignes de défense. Donc oui, ça va être une guerre longue. Moi, j'espère personnellement que l'Europe va se fatiguer et que le soutien à l'Ukraine va s'effondrer quand il va y avoir de graves troubles économiques, ce qui est, à mon avis, le scénario le plus probable. Et donc, avec l'effondrement de l'Europe, il risque d'y avoir les États-Unis risquent de vaciller dans leur soutien. Et effectivement, les Russes vont pouvoir avancer une fois que les Européens ne pourront plus fournir le cash, le matériel et le soutien à l'Ukraine. Donc, c'est vraiment moche ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des gamins ukrainiens qui n'ont rien demandé à personne, finalement, qui vont mourir, parce que j'imagine bien qu'on vient les chercher, c'est quasiment le fusil sur la tempe, quoi. Tu t'es mobilisé, tu viens, ou tu es un déserteur. On a vu comment ils traitent les civils en Ukraine, qui sont récalcitrants à la politique du juif, du roi juif Zelensky. Ils les accrochent à des poteaux, ils les mettent à poil dans le froid, et puis ils martyrisent les populations civiles qui ont pu avoir collaboré ou vaguement discuté avec les Russes. Les Ukrainiens s'en donnent à cœur joie. Donc, sale guerre, c'est toujours les pires entre des peuples frères comme ça, comme ça l'a été d'ailleurs entre la France et l'Allemagne il y a un peu plus de 100 ans. Et hélas, j'ai peur que, quelle que soit l'issue, les Européens soient une fois de plus très lourdement perdants. Si je peux préciser rapidement, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si je suis optimiste de manière générale pour la Russie. Disons que dans la dynamique actuelle, je vois la Russie gagnante sur le terrain de l'Ukraine. Par contre, je suis assez d'accord avec toi sur parce que je pense qu'on est dans la troisième guerre mondiale, sur la question de la troisième guerre mondiale après l'Ukraine, en quelque sorte, dans le prolongement. Là, je ne saurais pas dire quel bloc réussira à submerger l'autre, et ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de hasards qui pourront renverser les choses sans qu'on s'y attende, sans qu'on puisse le prévoir. Mais je reprendrai ta conclusion aussi, c'est que je pense que les grands perdants ici, ce sont les peuples européens. C'est intéressant de voir ce qu'a donné le coup d'État en 2014 à Kiev, en fait. Donc il y avait un mécontentement populaire, mais qui a été rapidement détourné par la CIA et donc les juifs du département d'État, qui ont placé leurs hommes à la tête de l'Ukraine et qui leur ont dit voilà, c'est eux et pas d'autres, et vous aurez notre soutien si vous acceptez ces gars-là et pas d'autres, etc. Et progressivement, le conflit a dérivé, et comme les Ukrainiens n'ont pas pu et pas voulu se débarrasser de ces dirigeants imposés depuis l'extérieur par les États-Unis d'Amérique, enfin le gouvernement américain et l'Union européenne, progressivement la sauce a monté, et voilà, hein, je veux dire. Donc, En fait, ça vient de la nature du peuple ukrainien, enfin de la souche de peuplement qui habite là-bas. C'est que c'est des gens de type anarchiste plutôt. L'État ukrainien était en fait assez faible, même sous Zelensky. Là, ils arrivent à mobiliser avec autorité, mais quand on retourne à l'époque de la révolution russe, toute la partie ukrainienne, c'était ce qu'on appelait les Noirs. En fait, c'était des sortes d'anarchistes. Qui s'organisait, c'est en fait la cavalerie à cheval des tsars, les cosaques, qui étaient historiquement en fait d'originaire de cette région, donc le Donbass, l'Ukraine de manière générale, mais aussi plus à l'est encore. Donc il y a des parties de cette population qui a été largement russifiée, mais il y a une partie qui restait plus sauvage. Donc en fait, tant que l'État restait très faible, enfin plutôt faible comme ça l'était, avec des paiements en cash, tu trouves du travail, disons une bureaucratie d'origine soviétique, mais qui n'a pas finalement tellement de prise sur la vie des gens, en fait, la population ukrainienne l'acceptait parfaitement. Et effectivement, tout était très corrompu, il n'y avait aucun contrôle, parce que ce n'est pas le genre de population à fort contrôle social mutuel, comme par exemple des populations nord-est asiatiques ou même les Allemands sont les peuples de type germanique, peuples de type scandinave sont des populations à fort contrôle social, c'est-à-dire de proche en proche, ils vérifient que le voisin n'est pas corrompu, le voisin respecte les règles, ainsi de suite. Là, c'est des populations, certes, plutôt d'origine indo-européenne, donc blanche, mais de type anarchiste, c'est-à-dire je fais un peu ce que je veux, je suis sur mon cheval, et puis je vis ma vie, et puis je travaille pour le plus offrant, quoi. C'était une sorte de mercenaire pendant longtemps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette population a accepté son sort en 2014 parce que l'État n'était pas trop fort, disons. Oui, et du coup, ils servent maintenant de pion dans la stratégie de leurs maîtres, hein, qui sont aussi les nôtres, par ailleurs. Et la mobilisation russe, alors moi je me rappelle lors de la mobilisation russe, les gens ils rigolaient, enfin surtout les médias, c'est pas les commentateurs sur LCI, c'est les spécifiques. Bon, LCI ils ont même Forest, hein, bon. Et alors ils rigolaient avec des rires de hyènes, ah regardez les Russes, ils n'arrivent pas, etc. Mais les gens ne se rendent pas nécessairement compte, mais la mobilisation en Russie n'avait pas été. Réalisé depuis 80 ans. Donc c'était un système qui existait sur le papier, mais qui n'avait pas été activé depuis 8 décennies, que les gens mesurent la chose. Ils ont fait le choix de mobiliser, donc forcément, les gens théoriquement responsables commettent des erreurs, les gars n'arrivent pas au bon endroit, le bus n'arrive pas à l'heure, les types ne reçoivent pas les bonnes chaussures, etc. Bon, mais c'est évident. Mais dans les médias français à l'époque, ils en ont tiré une conclusion générale, à savoir que les Russes ne pourraient jamais mobiliser. Ils avaient glosé aussi sur les Russes qui fuyaient la Russie pour éviter la conscription. En réalité, c'est souvent des populations issues de minorités, dans le Caucase, des minorités musulmanes qui ne veulent pas effectivement être mobilisées, donc ils passent la frontière. Mais ce n'est pas le cœur de la Russie. Donc, et même les rares éléments qui partent sont de toute façon des éléments qui seraient prompte à participer à des troubles sociaux. Donc si ça produit une seule chose, c'est renforcer le contrôle du gouvernement russe sur le pays, hein, c'est tout. Mais ils en avaient fait des tonnes là-dessus. Et évidemment, les erreurs surgissent lors de la première mobilisation. On corrige. La deuxième vague de mobilisation sera plus importante si elle a lieu. Et elle se déroulera de manière plus efficace. Alors là aussi, ils ont commenté en disant, voilà, mais Il y a des mobilisés qui arrivent sur la première ligne de front, mais rien n'est prêt. Oui, parce qu'au départ, comme il y avait une infériorité numérique en Ukraine, on mettait des blocs entiers de mobilisés sur des positions. Mais parce qu'il s'agissait de remplir très très vite du vide. Mais progressivement, le système de mobilisation se perfectionnant, ils vont pouvoir allouer un certain nombre de gars à un certain nombre d'unités, donc au milieu de vétérans qui vont pouvoir les former et donc qui seront beaucoup plus efficaces sur le terrain. Mais il fallait parer au plus blessé. Et c'est pour ça qu'il y a une capacité d'adaptation, je veux dire, de la part de la Russie. Et puis, si tu me permets, faut ajouter qu'ils ont quand même un service militaire de 2 ans. Oui, il y a quand même donc, ça. Donc, ouais. C'est pas comme s'ils avaient absolument aucun entraînement militaire quand ils arrivent sur le front. Hein. Chose que si on devait faire ça en Occident, ce serait risible. Bah justement, c'est ça. C'est-à-dire que imaginez demain, on essaye de faire une mobilisation en France. Ça va être folklorique parce que là, ce qu'on a vu avec le Covid, les Algériens qui se précipitent à l'aéroport pour rentrer dans leur pays. Alors, je sais que nos auditeurs vont pas s'en plaindre, mais imaginez ce que ça donnera. Les doubles nationaux, le skate des doubles nationaux dont on nous dit qu'ils sont aussi français que les autres, c'est une vaste blague. Tous ces Africains, ces Maghrébins, on ne pourrait absolument rien en faire. Je m'en plains pas, mais je veux dire, c'est évident que ça serait un sketch. Alors, si vous rigolez des Russes, attendez ce qui va se passer en Europe de l'Ouest, quoi, hein, parce qu'en dernière analyse, il faut que des Blancs aillent se battre. Donc, j'étais pas convaincu par les railleries, et de voir que la Russie prépare la mobilisation d'un demi-million d'hommes, ça me conforte dans l'impression générale que j'avais, à savoir 300 000 pour chauffer la machine, 500 000 pour adapter un rythme de croisière à peu près à l'horizon de 6 mois, et les 6 mois suivants, 500 000 supplémentaires. Moi, je dis que l'armée russe se prépare pour une guerre à très grande échelle. C'est-à-dire que l'idée que c'est un petit conflit limité à l'Ukraine et que ça va se régler parce qu'au bout d'un moment, ils en auront marre de se tirer sur la gueule et que ça reste lointain, ça, c'est l'idée générale qui prévaut au moins en France, mais c'est totalement éloigné de la réalité. C'est un conflit existentiel pour la Russie, les Russes se préparent pour mener ce conflit et ils vont avoir des millions d'hommes sous les armes. Des millions d'hommes. Alors oui, les Ukrainiens peuvent encaisser puisque eux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, eux, s'ils perdent, c'est fini. C'est clair. Hein, je veux dire, les Russes, il faut les stopper. S'ils ne les stoppent pas, c'est l'Ukraine, il faut faire une croix dessus. Hein. c'est évident. Je veux dire, ça sera débité en 40 morceaux. Enfin, c'est qu'ils se fassent absolument. Oui, mais bon, ils ne vont pas exterminer les populations ukrainiennes. Donc, le peuple ukrainien n'a rien à gagner. Comme État organisé, ça sera terminé, ça sera fini. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Parce que c'est bien beau, mais qui va monter une armée de millions d'hommes pour faire face aux Russes? Les Polonais? Mais les Polonais, leur armée, là, ils disent qu'ils vont passer à 250 000 hommes. Et 250 000 hommes ne vont pas encaisser une armée de 2 ou 3 millions d'hommes. C'est impossible, vous comprenez? Alors, en fait, tout ne repose plus que sur quoi? La dissuasion nucléaire? Mais quels ont été les arguments des Occidentaux sur la question de l'utilisation par les Russes de l'arme nucléaire en Ukraine? C'est de dire, ah bah, vous utilisez l'arme nucléaire, messieurs les Russes, en Ukraine? Bah, c'est simple. Nous-mêmes, on pourrait peut-être l'utiliser. Ou on pourrait peut-être en fournir aux Ukrainiens. À qui? Allez savoir. On ne sait pas. Hein. Oui, bah, les Russes peuvent répondre au bluff et franchir la frontière polonaise. Ah, vous voulez utiliser l'arme nucléaire? L'OTAN voulait utiliser l'arme nucléaire contre la Russie? Ok, allez-y. Bah, vous savez ce qui va vous arriver derrière. Hein. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, ils ont un énorme problème. C'est-à-dire que si... Parce que tout le calcul de l'OTAN était de rester... de vaincre, de saigner à blanc l'armée russe en Ukraine, de l'affaiblir à tel point que leurs forces conventionnelles n'arriveraient plus à rien, et de rester dans le domaine conventionnel. Et ensuite, avec des groupes de l'OTAN, Pologne, alors soit dans l'OTAN, soit hors OTAN, mais États-Unis, Pays-Bas, Scandinavie, Pologne, etc., de pénétrer dans l'espace russe et d'aller jusqu'à Moscou, parce que c'est ça l'objectif, c'est de renverser le gouvernement russe et ensuite couper la Russie en morceaux. Pour s'emparer de ses ressources, etc., et ensuite assiéger la Chine. C'est ça, c'est une guerre mondiale, c'est ça l'objectif. Bah oui, mais si les Russes restent dans le domaine conventionnel et franchissent la frontière polonaise, il se passe quoi? Les pays baltes vont sauver. N'oubliez pas qu'il y a une question de masse. L'Ukraine, c'est un pays très peuplé, quand même, relativement. Enfin, là, ils se sont considérablement dépeuplés, mais enfin, c'est quand même... Au départ, c'est 40 millions. Maintenant, ils sont passés à 33 millions. Ils perdent leur force vive, ils ont une natalité catastrophique. Bon, mais ils peuvent quand même encaisser des chocs. Surtout avec toute l'aide qu'ils reçoivent, parce qu'ils reçoivent en aide militaire autant que plus que le budget militaire russe. Imaginez ça, l'Ukraine, un pays du tiers-monde. Hein. Un pays du tiers-monde, l'Ukraine. 100 milliards de dollars en 2022, c'est, oui, c'est hallucinant, absolument colossal. On ne se rend pas compte des. Le budget de la défense français, qui est un des. Je crois qu'il est 4 ou 5e au monde, c'est 60 milliards. Donc c'est quand même quasiment le double du budget militaire français. Ouais, c'est énorme l'aide qu'ils reçoivent. Bon. Ah, ils encaissent, d'accord, on va voir ce qui va devenir l'Ukraine. Mais à côté de ça, les pays baltes... Des timbres-postes. Non, mais ils vont se faire rouler dessus, ils peuvent pas. Mais oui. Alors bon, je dis pas qu'ils peuvent rien faire, mais c'est sûr que les pays baltes, ils peuvent pas. Alors les Finlandais, ils peuvent se défendre, ils ont un très bon terrain, et ça fait des bons soldats, etc. Et puis en plus, les Russes sont pas très intéressés par la Finlande, parce qu'en fait, c'est des forêts de sapins. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose à tirer. Il y a des lacs, c'est pour s'embourber là-bas. Ouais, c'est pas terrible. Mais par contre, la Pologne, c'est de la plaine. Et puis les Polonais, je veux dire, ils ont quand même tout fait pour que ça dégénère. Et qu'est-ce qu'a fait la Biélorussie? Ils sont en train de réviser tout leur système de mobilisation. Hein, ils ont dit, voilà, tous les gars de grosso modo de 20 à 60 ans, quoi, un peu moins, de 18 à 60 ans, ils doivent transmettre toutes leurs informations au bureau de recrutement. D'accord? Donc c'est clair qu'ils se préparent. Et c'est clair que les Russes sont rentrés à 150 000 hommes en Ukraine. On va vers une armée russe qui sera de 2 millions d'hommes, peut-être 3 millions d'hommes. Vous imaginez 3 millions d'hommes sous les armes, surarmés? Alors, les mecs ont dit, ouais, mais l'armement de l'OTAN, oui, mais et ça, c'est aussi intéressant. Quand vous regardez l'OTAN, leur armement, oui, ça coûte une fortune, l'armement de l'OTAN. C'est des trucs hyper sophistiqués, ça coûte une blinde. Les Russes, ils font des trucs moins sophistiqués, mais ils en produisent en énorme quantité. Et c'est ça le truc. C'est ça le problème qu'ils ont. c'est que l'armement de l'OTAN coûte très cher. Alors je voyais l'aide française, ils disaient, on a envoyé un système solaire, etc., ultra perfectionné. Alors ils disaient, le prix unitaire du missile de ce dispositif qu'on donne à Zelensky, que Macron donnait, c'était, je crois, 1 million d'euros, le missile. Et ils disaient que la chaîne de production, il faut des années pour produire. Il n'y a pas la base industrielle pour alimenter ces systèmes à grande échelle. Il n'y a tout simplement pas. Les Russes, eux, ils ont une base industrielle qui leur permet de produire. Les Américains ont aussi, mais les Américains ont un problème, c'est qu'ils font face aux Chinois. Il y a deux théâtres d'affrontement possibles pour les Américains, donc ils ne peuvent pas tout mettre en Ukraine, vous comprenez? Et là, vous regardez les Occidentaux, enfin, je veux dire, typiquement les Français, les Allemands, mais les mecs ne sont pas prêts du tout pour une guerre. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le... Déjà, ils sont pas prêts pour les conséquences de cette guerre en question là, qui est en train de, qui va. Ben là, on voit déjà ce qui se passe, hein, les boulangeries qui ferment, les restaurants qui ferment. On l'avait annoncé l'été dernier. Il fallait pas être grand clair pour voir que ça allait être une catastrophe économique et ça va s'empirer. Là, j'ai vu que ils prévoient, les grandes chaînes de distribution prévoient une inflation de 20 à 50% des prix, ouais, de l'alimentaire. Ouais. Mais les gens, ils savent pas ce que c'est. On leur dit 20 à 50%, mais comme c'est tous des buses en maths, ils savent pas. Mais ils vont voir quand ils vont arriver à la caisse dans les mois qui viennent. Là, ça va être catastrophique, l'état de l'économie. Et moi, je pense que politiquement, ça tiendra pas. C'est pas possible. Les gens sont trop avachis, trop consuméristes en Occident pour accepter des privations quelconques, même si c'est pour imposer le sexe anal sur des enfants dans le Donbass. Hein. Même ça, ils sont pas prêts à abandonner tout pour ça. Bah ça, c'est le problème. Ils tendront les bras. Excuse-moi Gandalf, j'allais dire, ils tendront les bras une fois de plus vers l'État. Ils regarderont l'État en disant, aidez-nous, donnez-nous de l'argent, etc. Comprendre que ça ne marchera pas parce que l'État va de plus en plus vers la faillite. Ouais, mais même, vous avez qu'à regarder, toutes ces économies développées, occidentales, mais c'est des mécaniques très, très sophistiquées, avec la tertiarisation à outrance. C'est des horloges suisses. Alors, si tout d'un coup, si vous voulez, vous avez des problèmes sur les approvisionnements, vous avez même un conflit, toutes ces sophistications, ce luxe, vous ne pouvez plus vous le permettre. Donc, ça s'enraye très très vite. Alors que des pays qui sont plus rustiques, comme la Russie, qui ont un autre système économique qui repose effectivement sur l'exploitation des matières premières, ils peuvent passer en mode économie de guerre plus facilement, ils peuvent encaisser les chocs plus facilement. Alors que là, vous avez des gars, ils vont du jour au lendemain, je veux dire, vous avez carrément des commerces entiers qui disparaissent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'alternative, ils ne savent pas quoi faire à la place. Donc c'est ça le truc, c'est extrêmement fragile ce qu'ils ont fait là en décrétant les sanctions. Ils se sont auto-sanctionnés en sanctionnant la Russie, ils se sont privés d'une énergie à bas coût, ce qui fout en l'air complètement leur base industrielle. Ils prétendent soutenir l'effort de guerre ukrainien. Bon, où sont les usines d'armement qui peuvent produire à grande échelle et à quel coût? Parce que bon, c'est bien gentil, mais qui finance quoi? Vous avez vu ce que ça coûte un missile, ce que je disais, hein, c'est absolument folle, je veux dire. Un char, ils sont tous en train de... Là, ils veulent qu'on envoie des chars Leclerc. Bon, il n'y en a pas déjà beaucoup pour l'armée française, mais le peu qui roule, ils veulent les envoyer là-bas. Mais le truc, ça coûte 8 millions la pièce. Et ça compte pas ce que ça coûte de munitions et de formation des équipages, etc. Puis sans parler de la durée de vie de ces trucs-là sur les champs de bataille, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont comme matériel anti-char, des deux côtés d'ailleurs, les chars, ça saute. Donc ils sont là. Oui, puis on parle de prix comptable en monnaie, mais il faut aussi parler en ressources, parce que par exemple, pour faire des chars, il faut tout un tas de métaux, des matériaux très précis, et ça coûte là maintenant, surtout avec les prix de l'énergie. Si vous, par exemple, vous vouliez faire des chars en France, ça vous coûterait bien plus que le prix au début de la guerre en Ukraine, parce que avec l'explosion du prix du mégawattheure, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé parce que c'était plus rentable de produire sur les marchés internationaux. L'acier coûte trop cher à produire. Il me semble que c'est quelque chose comme 2000 euros la tonne sur les marchés internationaux, et produire en France, ça coûterait 14 000 euros de la tonne. Donc, vous avez une idée. Il y a le temps. Les canons César, dont ils ont fait tout un raffut, oui, ils sont très très bien. Mais faire le canon, la pièce de métal, c'est 1 an et demi à 2 ans d'usinage. C'est pas du tout des systèmes d'armement qui correspondent à la situation. Oui, surtout qu'il suffit d'un drone qui coûte 2000 balles, ouais. qui tombe dessus. Le machin a été fait en 3 semaines dans une usine en Iran, et puis terminé, le canon César ultra sophistiqué. Donc c'est sûr que là, on est revenu. Et, étrangement, c'est intéressant, l'ironie de l'histoire, c'est que on pensait, avec toute la sophistication militaire, tous les budgets que les Américains avaient dépensés, on pensait qu'on allait arriver que sur des guerres très professionnelles, avec des petits effectifs, un peu comme ça a été le cas en Europe pendant plusieurs siècles. Mais en fait, non, on revient sur des guerres de mobilisation où ce qui va compter, c'est le nombre d'hommes sur le terrain et qui est capable de tenir le terrain. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. La technologie, ça compte, mais je veux dire, au bout d'un moment, s'il faut 2 ans pour produire un système d'armement, bon, non, c'est pas possible. Il faut que ça soit déployé très rapidement. La décision militaire doit être emportée en quelques mois. Si tu te lances dans une bataille, et tu peux pas dire, ouais, les gars, dans 2 ans vous aurez votre canon. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux dire. Et bon, j'ai vu hein, des ils s'y attendaient, hein, parce que ça faisait un longtemps. Enfin, ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait cette discussion au sein de l'état-major français. Ils disaient, voilà, il faut qu'on se prépare pour une guerre, ce qu'ils appelaient la haute intensité, enfin une guerre classique, quoi. Et il nous faut. Ils regardent l'état de leur stock de munitions, ils ont rien. Les Russes à côté, parce que là, c'est tout l'OTAN qui vide ses stocks. Ils sont en train de leur filer tout aux Ukrainiens. Ils leur filent énormément de... C'est comme ça, donc les Ukrainiens y tiennent. Mais les Russes, eux, ils ont des réserves énormes. Ils produisent comme des dingues. Ils ont cette base industrielle énorme et ça continue. Et les mecs, ils annoncent, c'est bon, les Russes vont être à court de missiles. Et c'est bon, voilà, c'est plus qu'une question de semaine. Et après, ils arriveront plus à rien. L'artillerie, ils ont plus d'obus de 150 ou 155. Et, voilà. Et puis, les semaines passent. Et puis, ça tire. Ouais, là, ils viennent de se faire bombarder alors qu'ils nous disaient qu'ils avaient plus de missiles. Et ils ont reçu sur tout le pays, Kiev, ouais. La gare centrale, et ainsi de suite. Non, mais de toute façon, Poutine a dit, là, il me semble que c'était aux alentours de Noël, du Noël catholique, il disait le ministère de la Défense russe a des crédits illimités. S'il nous demande de l'argent pour n'importe quoi, pour les viseurs, pour des fusils dernier cri, pour des canons, pour des missiles, ils auront tout ce qu'ils veulent. Donc là, les Russes, ils rigolent plus. Là c'est fini, c'est réglé. L'affaire, ils sont en mode guerre totale, comme dirait l'autre. Ils montent vers la guerre totale, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore en guerre totale, mais ils montent vers la guerre totale parce que, ouais, mais les Occidentaux leur ont dit, si vous perdez la guerre, on va démanteler votre pays. Bah oui. Non mais imagine, je sais pas, il faudrait dire ça, que les gens se projettent 3 minutes. Imaginez, voilà, la France, elle est assiégée par tout le reste de l'Europe, et les États-Unis, on leur dit, les gars, si vous perdez la guerre, on va démanteler votre... Les Français, ils seraient quoi? Ils seraient là, bon, les gars, on peut quand même se permettre de perdre ici ou là, ça. Alors je sais que c'est pas l'état d'esprit en France, mais je veux dire, quand on vous met cette alternative sous le nez, vous êtes à fond. Vous dites, bon, les gars, c'est quitte ou double. Si on perd, on est mort. Donc, évidemment, Poutine va dire, les gars, banco, vous me demandez ce dont vous avez besoin, vous aurez. Mais la différence, c'est que les Russes ont les ressources. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, tu as les dépenses nominales en dollars. Mais au bout d'un moment, c'est juste aussi du matériau, quoi. C'est-à-dire l'acier, quoi. L'acier. Est-ce que tu as l'acier? Ou pas? Alors, tu peux arriver avec ton armement sophistiqué, dernier cri, mais qui met 1000 ans à être assemblé avec des pièces qui viennent de partout dans la planète, parce que c'est ça aussi. Les semi-conducteurs, le truc, voilà, ouais, t'as un canon, ah, il est top, hein. Ah, c'est du savoir-faire français, tout ce qu'il y a de plus clean, hein, ça tire propre, c'est net. Ouais, bon, t'en produis 8 en 2 ans, quoi, voilà, et tu peux pas faire une guerre avec ça, tu peux tirer sur quelques nègres. Voilà, tu peux. Non, mais c'est ça, non, mais je veux dire, parce qu'il faut bien comprendre que les Français ont créé une armée d'armistice, quoi, avec juste quelques unités spécialisées pour aller gendarmer des nègres en Afrique de l'Ouest. C'était ça le truc. Et en plus, ça marche pas. C'est une armée coloniale. C'était une armée coloniale. Alors que du temps des colonies, les Français avaient quand même une armée de conscription terrestre, régulière, en plus. Là, il n'y a que l'armée coloniale, tu vois. Alors bon, ah non, je veux dire, alors oui, tu pourras. J'ai vu, là, ils ont passé parce qu'ils réfléchissent, ils se disent, on va faire quoi? Parce que là, je pense que. Bon. Pour continuer la discussion, il faut simplement dire une chose, c'est que l'OTAN va rentrer dans le conflit. Le calcul qui est fait par l'OTAN, c'est que ça va rester conventionnel. Il n'y aura pas d'échange nucléaire. On va défaire, on va vaincre les Russes sur le terrain de manière classique. Donc il faut se préparer. Et alors ils accumulent des hommes, du matériel, etc. Et chacun reçoit sa part. Et les Français ont reçu une commande. Et ils doivent mobiliser 15 000 hommes, 1 000 véhicules, un certain nombre de chars Leclerc, des systèmes de batterie. Ils doivent avoir une portion du champ de bataille, si vous voulez. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc, et donc, avec tout ce que ça suppose de ravitaillement et tout. Mais est-ce que ça va suffire que 15 000 soldats français aussi équipés soient-ils ? Et même très très bons sur le terrain, ceci étant dit. Pas le problème. Mais bon, c'est ce vers quoi on va. D'accord ? L'Ukraine, là, maintenant, ça sert juste... On a été chercher les Russes chez eux. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Le système occidental voulait cette guerre. Les Juifs voulaient cette guerre. Ils l'ont. Maintenant, l'Ukraine, ça sert juste à gagner du temps. Voilà. On balance des Ukrainiens contre les armes russes pour gagner du temps pendant que l'OTAN se prépare. Les Britanniques se préparent. Les Français, ils font pas beaucoup de bruit, les Français, mais ils se préparent. Tout le monde est en train de se préparer. Les Suédois basculent dans la mobilisation. Ils l'ont annoncé. Hein. Ils mettent en place le système. Etc. Bon, ça les Allemands ont prévu un budget de 100 milliards aussi d'euros. Ouais, donc c'est quand même très important. C'est pour important, eux. Mais ça sert à quoi tes budgets si t'as pas les hommes? C'est ça. Un budget, tu peux le voter comme ça. En 3 mois, tu peux voter un budget. Mais où sont tes hommes expérimentés? Où est ton matériel? Où est ton entraînement? Où sont tes unités prêtes à être projetées? Où elles sont? Et ça prend des années à monter un truc pareil. Tu vois? Ça prend des années et des années. Donc les Russes, tu vois, ils ont l'avantage du temps pour eux. Ils sont rentrés plus tôt dans le match. Et les autres, ils sont en temps de paix, parce que c'est aussi une question de mentalité. Les Allemands, là, leur problématique, vous avez regardé, vous avez vu l'état des discussions, même en France, regardez, si c'est pas discuté sur les bougnoules de machin, vous avez avec Damien Rieux, machin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, les prières, bon, si c'est pas ça, c'est le réchauffement climatique, si c'est pas ça, c'est l'autre qui a changé de sexe, il se prend pour une femme, si c'est... Une société comme ça, elle peut pas gagner une guerre. Elle peut pas, elle va se désagréger sous l'effet de la pression, c'est sûr. Les Russes, ils savent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, à la défense, au crédit, je veux dire, des Ukrainiens et des Polonais, au moins, eux aussi sont encore dans une conception traditionnelle de l'ordre social, donc ils peuvent encore soutenir un effort militaire. Mais les sociétés comme la société allemande, française, britannique, belge, italienne, qui sont en train de se disputer pour savoir comment ils vont nourrir des vieux qui ne servent à rien, je veux dire. Non, non, c'est pour ça, je crois aussi que c'est pour ça, et on en termine, hein, je crois que c'est aussi pour ça qu'ils mettent tellement dans la défense de la première ligne en Ukraine, parce qu'ils savent que si elle est percée, la deuxième ligne, on ne sait pas où on va la tracer, si même on va en tracer une seule. Théoriquement, c'est la frontière de l'OTAN, la Pologne, la Roumanie. Moi, j'en suis pas convaincu. Non. Les Polonais, il ferait mieux de se coucher. Hein. Si les Russes passent la frontière. Mais je pense qu'il y a une très très bonne analogie à faire avec la Russie. C'est que la France est rentrée en guerre en 14 avec cette idée de revanche, d'avoir été humiliée en 1870 et de vouloir récupérer surtout l'Alsace et la Lorraine. Et les Russes, par la voix de Vladimir Poutine notamment, considèrent que les parties Est et Sud de l'Ukraine sont des terres russes. En fait, ça leur appartient historiquement de droit. Ce qui a été exactement l'état d'esprit des Français, même de la populace française, en 1914. Et donc, ils se sont lancés dans cette guerre et la France a dépensé des ressources colossales pour gagner cette guerre. Et donc, les Russes, de manière similaire, sauf que c'est pas exactement la même quantité de ressources ni la même quantité d'hommes qui sont prêts à mettre dans le conflit. Ils vont aller au bout, je pense, pour à minima récupérer les territoires ukrainiens, mais on est à l'abri de rien. Une fois qu'ils auront, s'ils arrivent à monter une machine de guerre qui avance, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à gérer les Européens? C'est sûr qu'il pourrait très bien prendre Varsovie s'il le voulait, qui est peut-être assez rapidement. Hein. Mais d'autant que vous l'avez dit, les Russes ont déjà désigné l'OTAN comme co-belligérant, donc comme ennemi dans le conflit. Donc pour eux, c'est très clair sur qui ils ont en face d'eux. Ils ne sont pas à tergiverser. Est-ce qu'on donne du matériel? Est-ce qu'on se met dans le conflit? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Non, eux, ils voient l'ennemi, ils l'ont désigné. C'est d'ailleurs toute la puissance de leur état, c'est qu'ils savent désigner un ennemi et le combattre. Là où nous, oui, effectivement, ce que disait Gandalf, par exemple sur les armées françaises et allemandes, enfin c'est un désastre. En France, on n'arrive pas à recruter de soldats. Tous les ans, ils ont du mal à atteindre les effectifs, donc ils baissent les exigences. En Allemagne, dernièrement, ils ont fait des tests avec des engins. Ils se sont rendu compte que les engins dernier cri, bah, il y en a pas un qui fonctionnait. Donc même sur le nouveau matériel, ils se disent ah bah non, finalement ça marche pas très bien. Donc oui, 100 milliards débloqués pour l'armement, bah c'est bien beau, mais ça reste des chiffres face à une absence de concret en face, quoi. Bah, en plus en Allemagne, on leur a enseigné à haïr leur nation. C'est beaucoup plus puissant encore qu'en France. Je veux dire, le national-socialisme, Adolf Hitler, ils ont diabolisé leur nation. Bah, du coup, les mecs, ils ont appris ce qu'on leur a dit. Du coup, pourquoi ils vont crever pour un pays qu'on leur a appris à haïr? Ça marchera pas. Vous comprenez? C'est ça aussi la vertu du patriotisme. Et qu'au moins, vous aimez votre pays, vous voulez le défendre. En Allemagne, on leur a appris à le détester, ça va pas marcher. En France, c'est pareil, à un moindre niveau, mais c'est quand même présent. On leur dit voilà, vous êtes quand même un pays de colons, un pays de pétainistes, vous êtes des salauds. Bon, bah les gars, ils vont pas non plus se bousculer pour crever pour des pédés. Au bout d'un moment, ou pour des bougnoules, parce que quand tu vois ce que c'est à domicile dans tes rues, c'est quand même ça la France. Hein, donc voilà. Et il y avait le passage, et moi j'en finis, de l'ambassadeur de Russie en France, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Je crois que c'était BFM, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Il dit, mais commentant la décision de Macron de livrer ses blindes, enfin vider, parce que c'était pas le dernier cri, hein. Mais il comptait s'en débarrasser, donc il les donne aux Ukrainiens. Il dit, mais oui, mais rendez-vous compte pour nous et pour les Russes que ça représente les Français qui arment les gens qui tuent nos soldats. Nous, en 1915, qui sommes venus aider à défendre le territoire français. Parce qu'effectivement, les armées du... il y avait une alliance entre la France républicaine et la Russie tsariste, et le tsar a envoyé effectivement plusieurs dizaines de milliers de soldats russes sur le front occidental, en signe de solidarité, bien sûr, et il y en a un certain nombre qui sont morts, et c'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur. Et c'était très frappant, la réaction des journalistes, qui sont restés médusés par ce que disait l'ambassadeur, en disant, mais... Oui, mais aujourd'hui, vous envahissez un pays comme l'Ukraine. Et ça, c'était vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'il y a un fossé culturel et idéologique qui ne peut pas être comblé. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un Russe qui raisonnait en termes longs. Il disait, mais pour nous, depuis des siècles, on a toujours eu d'excellentes relations avec la France. C'est des rapports très longs. Et il cite donc l'exemple de la Première Guerre mondiale, etc. Donc lui, il raisonne en termes de nation de longue durée, indépendamment des régimes. Peu importe l'Union soviétique, le tsar, etc. Lui, il voit les rapports entre les nations. Ce qui est une vision typiquement de droite. Et la réponse des journalistes est une réponse idéologue. Ils disent, bah oui, bah on s'en fout de ce qui s'est passé avant-hier. Là, vous êtes le salaud, les droits de l'homme, notre religion. Donc d'un côté, il y a des religieux, et de l'autre côté, il y a des nationalistes qui raisonnent sur la longue durée. Et là, en fait, on ne peut pas parler avec les gens, on ne peut pas parler avec ceux-là. Mais c'est vrai aussi en France, hein. Je veux dire, quand vous parlez, je ne sais pas, d'identité française sur le temps long, etc., les gauchistes, les macronistes, les droits de l'hommistes, ils vous sortent tous leurs arguments idéologico-religieux, la mystique des droits de l'homme, la démocratie. On ne parle pas la même langue. Ce sont des religions, on peut pas échanger avec eux. Et le russe ne parlait pas la même langue. Il parlait français, mais ils ne parlaient pas la même langue, et les journalistes, ils ont accusé le recul. Ça leur a fait bizarre qu'on leur dise que des Russes étaient morts pour défendre la France. Ils se sont dit, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'était tout à fait extraordinaire. Et alors, moi j'en ai retenu que je pense qu'au niveau des élites russes, je pense qu'ils ont, ils savent que la France s'est sérieusement cassé la gueule, ils ne sont pas aveugles. Hein, mais ils se disaient, bon, il y a quand même encore un peu quelque chose en France qui va faire que les gars, ils vont éviter quand même de suivre aveuglément les autres. Ah, il y a peut-être un petit peu quelque chose quand même qui va résister. Et en fait, non. Bon. Au final, Macron, bon, il remue un peu du cul, il fait des courbettes, il fait. Mais au final, il suit. Et ça, ça a pris de court les Russes, je pense, qui ne s'y attendaient pas. Parce que même De Gaulle avait des relations avec l'Union soviétique, parce que De Gaulle, en fait, devait son pouvoir. En fait, à un accord tacite avec l'Union soviétique et le Parti communiste, en fait, c'est ça le truc. Donc, même dans les temps les plus durs de la guerre froide, la Russie soviétique a ménagé la France. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la situation actuelle où ils risquent vraiment. Enfin, c'est le destin de leur pays qui joue, parce que s'ils perdent, ils se font démanteler. Et il faut à la France se précipiter pour, en gros, donner un coup de poignard dans le dos, quoi. Et là, les Russes, ils sont là. Et donc, je pense que ça se paiera. Parce que n'oubliez pas un truc, hein. Pour l'instant, la Russie est sur la défensive, ils consacrent tous leurs moyens à leurs frontières, etc. Mais il ne faut pas se tromper. Les Russes, ils vont investir, ils jouent leur peau, dans des mouvements insurrectionnels en Europe de l'Ouest, hein. S'il se passe, s'il y a une brèche ou quoi que ce soit, ils vont investir. On ne sait pas où, ça peut être en Irlande du Nord, ça peut être pas. Ils vont investir, ils vont soutenir, c'est sûr. Donc attention, l'histoire c'est vicieux, ça peut vite vous rattraper. Voilà ce que je voulais dire à ce propos-là, avant qu'on se sépare. Quelqu'un un dernier mot ou on se retrouve prochainement ? Ben voilà, ben alors à la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine.